Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Voices Radio, podcast spécial Survivor Series. Et là on est 6 pour vous parler de ce pay-per-view plutôt mitigé dans l'ensemble au niveau des réactions qu'on peut lire sur le net ou sur le forum wrestles.fr d'ailleurs. Et on va commencer la liste des présentations des mecs qui sont avec moi. C'est par MP, le Canada. Salut MP. Eh oui, je suis là. Je vous ai mis dans le chat le thème des Slater préparé à ce pre-show. Mais oui, je suis là. Et je suis bien content d'être ici et de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler de Survivor Series 2012. Boosty. Oui, salut tout le monde. Pareil, bien motivé pour ce soir. Ah, tu vas troller surtout. Oh, non, pas la mèche. Renaud, justement, qui rigole. Salut les gars, salut à tous. Très heureux aussi d'être parmi vous pour parler Survivor Series. Ça va pas durer longtemps, la joie. Pardon. Tu m'as coupé la parole, vous aussi, alors fais attention. Hein, voilà. Vincent. Tu m'échauffes. Salut Vincent. Ouais, je ferai équipe avec vous aussi ce soir. Oui. Yes. Vous êtes en handicap match, les gars. Et Tifo. Ouais, salut tout le monde. Moi, je ferai pas équipe avec Brusty. Moi non plus, je ne vais pas. Tu feras équipe avec Gus et MP. Yes, yes, yes. Le mec est crevé, tu sais. Allez, c'est parti. On va vous dire la liste des sujets. Alors, bien sûr, on vous parlera des Survivor Series. Et on parlera vite fait donc de l'invasion NXT qui a commencé au Survivor Series, d'ailleurs. Hein. Parce que Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins ont fait leur début à la WWE. Sachant qu'Ambrose n'est jamais apparu à un show NXT. Oui, c'est pour ça, c'est ça, en plus, qui est assez, assez comique, ouais. Effectivement. Bon, mais écoutez, on va procéder à un petit jingle et on va pouvoir commencer l'analyse des Survivor Series. Allez, c'est parti. Vas-y. Oh, radio, tell me everything you know. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer des Survivor Series. Et merci Renaud pour ta superbe chanson. Il faut du souci à se faire pour son poste de chanteur dans le podcast. Hein. Ouais. Allez, c'est parti avec le premier match de cette soirée. C'était le pré-show, c'était sur YouTube. Pas beaucoup de personnes l'ont vu. Je crois qu'on était en moyenne 3000 à être sur le pré-show, donc c'est très peu. J'ai jamais payé. Mon Dieu, que c'est peu. C'est très peu, effectivement. Oh, 3000 dans le monde. L'affiche, et on comprend rapidement pourquoi il y a aussi peu de monde. Et l'affiche, c'était Free and Weave, East Slater et Dean Normal, qui étaient accompagnés de Drew McIntyre, qui ont battu la team Cobro, Santino Marella et Zack Ryder dans un match par équipe, où Drew McIntyre est intervenu pour aider son clan. Voilà, son clan. Et le temps du match est inconnu, voilà. D'ailleurs, toi, t'étais hyper ravi de voir Dean Normal plus en slip. Ah ouais, non, bah, c'est l'innovation de l'année. Voilà, Rocker, c'est l'innovation de l'année, quoi. T'as Dean Normal, il est plus en slip, c'est moins moche à regarder. Bon, c'est toujours moche, hein, mais c'est un peu moins moche. Est-ce qu'il a toujours son espèce de couronne? Oui. Enfin, oui. Ça c'est complètement débile, on est d'accord. Mais surtout que dans les 3MB, quoi, le mec, il arrive comme ça. Avec sa bande de record, sa bande de rocker, tu sais. Ils font comme ça, le guitare. Et t'as là, t'as Dean Normal avec son truc indien qui veut faire comme s'il avait des cheveux alors que le mec est chauve. en plus, ça avait choqué Gus, bah justement, là, il avait tout rasé, donc il ressemblait à son Jedot, en quelque sorte, pour ceux qui suivent la TNA. Voilà. Enfin, au niveau capillaire. Hein. Normal, t'as son ring. C'est le boulet de l'année. Hein. Mais sinon, le match, écoute, au départ, en plus, c'est très bien, communication. Ouais, en plus, Boosty, c'est un Boosty, t'es super, j'allais tout dire, et tu vois, tu m'as coupé encore dans mon élan. T'es chaud ce soir, même. Ben, vas-y, écoute, prends le triple bon. Hein. Et alors, je disais, donc, le build-up, on va parler un petit peu du build-up avant de parler de ce match-là. Alors je disais donc la Team Cobro contre les Schwembi était déjà prévu de base, mais le WWE s'est dit oh non, on va pas refoutre les Cobro encore en pré-show si on mettait Tyson Kidd et Justin Gabriel. Donc c'était au final le match qui était défini au début. Et puis au final, au dernier moment, ils ont dû dire oh, on s'en bat les couilles, c'est que le pré-show, si c'est pas le bon annoncé. De toute façon, c'est que sur YouTube. Donc on va refoutre la Team Cobro parce qu'on a une meilleure idée pour Justin Gabriel et Tyson Kidd. C'est pas totalement faux d'ailleurs. Et donc du coup c'est la Team Cobro qui a perdu son match contre Heath Slater et Jinder Mahal. Voilà, c'était dit, merci beaucoup. Juste une petite remarque, le Team Cobro, le nom est quand même tout pourri. Ah ouais. Voilà. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Cobro, Cobra. Donc. Ah mais c'est pourri. Oui c'est pourri, bah oui. C'est voilà, c'est même fou. Quand on le dit Cobro, quoi, voilà. Cobro. Peut-être qu'en anglais ça passe mieux, Cobro. Cobro, ouais. Team Cobro. Non, ça passe encore. C'est encore. Non, ouais. Ça la poussie pour le match, vu qu'il veut parler. Bah écoute, on n'en dit pas grand chose. Il est hyper prévisible, il est chiant, il dure trop longtemps. Il n'y a même pas le temps de la durée, mais voilà, il dure trop longtemps quand même. Il dure au moins 5 minutes, quoi. C'est déjà trop long. Voilà, voilà. On n'en dit pas plus. Ah, bah sinon, y a un, moi je suis plus intéressé par une autre chose dans le pré-show que tu vas dire, je pense. Pour une fois que je te tends une perche. J'ai oublié de dire quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Bah, dans le pré-show, dans les vestiaires de la Team Ziggler, introduction du remplaçant de Cody Rhodes. Ah, oh, putain. Attends, allez, c'est qui d'autre qui a vu le pré-show déjà, Vincent? Ouais. Alors, moi, Vincent, je sais pas si mauvais que ça. Enfin, il était pas bon, mais je trouve que ça allait par rapport au David Otunga, au Brodus Clay qu'on avait eu un coup. Je trouve que ça allait encore, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas bon à voir. Voilà, ben oui, je suis d'accord avec vous, c'était quand même assez moche. Bon, par contre, l'innovation de l'année, c'est du normal en pantalon. On est plus obligé de supporter ces sales genoux qui mesurent 6 mètres de long pendant qu'il fait des shoots, c'était très moche. Sauf quand tu regardes NXT. Oui, je regarde plus NXT depuis un petit moment. Bref. Bref, on a trop parlé du pré-show, là, je trouve. Oui, alors, encore vite fait du pré-show, on a eu un segment pour introduire... qui fera équipe donc dans la Team Ziggler pour remplacer Cody Rhodes qui s'est lourdement blessé lors de WWE Main Event dans un match contre la Team Enlo. En fait c'est un surpassement complètement botché, je sais pas si vous avez vu les images mais normalement oui. C'est horrible. Franchement mais on va vite fait faire une petite parenthèse, rater un surpassement de la sorte c'est quand même honteux de voir ça quoi. Bah écoute, je sais pas, est-ce que c'est dû au rythme, parce qu'ils jouent, ils ont tellement de combats, peut-être des fois la fatigue, ils font pas gaffe, et puis voilà, je sais pas. Voilà, c'est les risques du métier. J'ai envie de dire, ça arrive au meilleur, ou Reinhardt a bien blessé Steve Austin. Ouais, sur une prise beaucoup plus dangereuse, mais bon. Beaucoup plus risquée, en tout cas. Eh oui. Donc du coup, pour la qualité du 5 contre 5, c'est sûr que, bon. On nous a présenté David Otunga. Waouh. Voilà. Alors, je sais plus qui était là. Je crois qu'il y avait que Brusty hein, sur le pré-show avec moi. Je suis venu après pour le show entier, mais sur le pré-show. J'ai eu de la chance. Avec Brusty. Merci. Avec Brusty, quand ils ont montré Otunga, j'ai fait oh putain. J'ai eu la même réaction qu'Alberto Del Rio. Hein. Je sais pas si vous avez vu. En fait, si vous voulez, il y a Alberto Del Rio comme ça. T'as Ziggler, il arrive comme ça, il présente, bon les gars, Cody est blessé, alors j'ai demandé à une autre personne de venir combler la carte, quoi, en gros, c'est ça. Et là, il dit, c'est David Otunga, t'as Del Rio, il est comme ça. Oh, non. Et oui, et puis j'ai dit, vu le leader côté, toi, tu vas te faire éliminer en quelques secondes, il lui a dit aussi. Voilà, n'importe quoi, quoi. Ouais, bon, passons. Passons pour le show. Avec le premier match de cette soirée, donc c'était donc la team Rey Mysterio, Sin Cara, Brodus Clay, Justin Gabriel et Tyson Kidd qui ont battu donc les Prime Time Players, Tensai et Epico et Primo. Le match a duré 18 minutes et 27 secondes. Parole à Tifo qu'on n'a pas entendu. Ouais, mais moi, franchement, dans ce match, moi j'ai bien pris mon pied. Je trouve, enfin, il est sorti de nulle part, on va dire. Mais j'ai bien pris mon pied, je trouve que ça partait bien. Enfin, on a vu l'activité de Mysterio Sin Cara, ça bougeait bien. Même j'ai trouvé Tyson Kidd a fait un bon match, comme toujours, on va dire en fait. Et ouais, ça bougeait bien. Il y avait du bon rythme, il y avait des moves pas innovants, mais qu'on a plus trop l'habitude de voir. Donc c'était j'ai bien aimé. Puis moi, je reviendrai juste sur Brodus Clay. Je croyais que c'était le leader de l'équipe, mais en fait, il s'est fait dégager comme une merde, en fait. Mais pareil, ouais. Je pensais que c'était Team... Enfin, on s'en fout, à la limite, hein. C'était... De base, ça aurait pu être Team Tensai contre Team Redus Clay, mais en fait... Ouais, c'est ce que je pensais à la base, parce que le mec, il débarque en premier, comme ça, pour... Enfin, ouais, forcément un petit peu surpris, mais après... Voilà, moi j'ai bien pris mon pied, voilà. Ouais, c'était pas trop mal. Juste, c'est quand même la bonne idée du match, c'est de virer Brodus Clay et Tensai qui sont complètement décrédibilisés pour le coup. Mais complètement, parce que... Ouais, c'est ça, parce qu'après, ça a laissé place au point moyen, on va dire, donc ouais. Et à partir de ce moment-là, justement, ça a donné des bons trucs. Mais c'était pas un match qui avait lieu le lundi précédent, en Raw aussi, le 4 contre 4. Si, le 4 contre 4, plus le... Donc, on a rajouté Brodus Clay au Brodus Clay et Tensai. Ouais, mais bon, après, bon, pour voir le match, moi, je suis d'accord avec Tifo, très bonne surprise, pour moi, c'est limite le meilleur match du show. Décidément, les matchs rajoutés, il y a déjà précédemment, lors du précédent pay-per-view, le match rajouté par équipe était très bon, et puis là aussi, j'ai bien aimé, donc, ça c'est bien. Bon, après, un peu déséquilibré, le rapport il face, vu la fin, hein, 4 contre 1. Mais, après, bon, c'était surtout pour placer les quatre, tous les finishes, entre guillemets, extraordinaires. Oui, oui, parce que... avec oui, c'est vrai qu'ils ont pas les mauvais finishes, les quatre. La Swanton Bomb, le 450 Splash, et le, donc, pour finir la soumission, je crois que ça s'est fini sur un sharpshooter. Sur le sharpshooter, hein. Je me rappelle plus. Moi, il me semble, le dive de Mysterio, le 619. Non, ça c'est pas fini là-dessus, mais ils ont fait ça a commencé par le 619, après... Je crois que c'est sur le sharpshooter, Boustier, je crois. Ouf, j'ai oublié. Non, moi, il me semble vraiment le dive, oui, voilà, comme ça a été dit, dans le chat, le dive, oui, même. Ouais, c'est le dive, oui, je suis d'accord. Ok. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok. J'ai une image. Ouais. J'ai une image. MP. Ah, j'avais pas fini. Je vais laisser finir Brusty. Hein. Non, mais j'avais juste deux trucs à dire. Moi, ça m'a un petit peu fait de la peine pour Brodus Clay parce que déjà qu'il a pas pu beaucoup se montrer et puis il a quand même raté une souplesse arrière sur Tensai et sa natation. Déjà qu'il va pas très très bien, mais matricule. Alors là, ça va lui coûter très cher, mon ami. Ce genre de truc. Et Tensai, oui, c'est l'autre truc qui m'a un peu ennuyé. Puis j'ai trouvé bon sur ce qu'il a fait et puis je trouvais dommage qu'il soit éliminé aussi vite. Hein. Voilà. Il s'est fait éliminer sur le roll-up en plus. MP, à toi. J'ai envie de dire, limite, Brodus et Tensai, on s'en fout un peu, mais parce que vu leur place sur le roster et tout, s'en fout s'ils sont fait éliminer rapidement. De toute façon, j'aime beaucoup mieux voir Gabriel, Kid, même Prempton Players mis en avant qu'eux. Oui, je vous rejoins sur la qualité du match, en fait. Je pense que peut-être un petit peu long comme opener, on sentait au début aussi que ça et au milieu aussi que ça se prolongeait un peu trop. On avait des longueurs un peu, je trouvais, mais ça s'est quand même pas si mal passé. C'est un match quand même de qualité pour commencer le pay-per-view et je pense que ça a bien débuté la soirée qui je pense que ça a bien ça a bien fait établi un rythme au départ, donc c'est pas mal pour ça. Vincent. Moi je trouve un petit peu con de rajouter Brodus Clay et Tensai parce que déjà parce que ça donne à peu près le match carreau. Puis aussi c'est pour les faire éliminer en deux secondes, surtout que enfin je me souviens pas très bien des éliminations à part le roll-up là. Mais les éliminations étaient quand même assez pourries. Brodus Clay a été éliminé par Tensai après son finisher, la descente du dos là, le petit Swanton je crois. Le splash ouais. Ouais. Ils ont à part la dernière élimination parce qu'il y a tous les finishers, mais je trouve que les éliminations c'était quand même assez rapide quoi. Il fallait pas grand chose pour éliminer l'adversaire. À la limite on se foutait un petit peu du match quoi. Ah non, mais c'est quand même un 55 quoi, enfin bref. Et autant du côté face, donc Rey Mysterio tout ça, je trouvais qu'il y avait un certain lien entre les catcheurs. Autant de l'autre côté, tu mets Pico et Primo dans la même équipe que les PTP alors qu'ils sont censés... Ils sont censés tester. Oui voilà, ouais, même s'ils sont heal tous les deux... Ouais, bah, Epico et Frimont. Ça montre jusqu'au bout que c'est le match bouche-trou, quoi. Epico et Frimont, c'est pas trop, parce qu'au final, c'est comme Alicia Fox, quoi. D'un show, d'un jeu, enfin, par exemple, de Raw à SmackDown, elle peut avoir tourné sans aucune raison. Elle peut être d'un coup face ou un coup heel. Non, mais ça, à la rigueur, qu'ils soient utilisés comme heel, bon, à la limite, mais qu'ils soient mis dans la même équipe que PTP, alors qu'ils sont censés ne pas trop les aimer. Enfin, je sais pas, tu vas pas, combattre, enfin, dans la même équipe qu'un catcher, si tu veux pas le piffrer, quoi, enfin. Mais sinon, ouais, c'est vrai que le match était vraiment pas, enfin, était assez bon pour un match bouche-trou. Et puis, le finish, c'est pas mal à voir, ouais. Puis surtout, ça m'a fait plaisir de voir Tyson Kidd et Justin Gabriel, parce que quand j'ai vu qu'ils étaient dans la même équipe que Kara et Mysterio, je pensais qu'ils allaient être éliminés, puis qu'à la fin, on allait ou avoir Brodus Clay et puis les deux luchadors, ou les deux luchadors. Et quand j'ai vu que ça se finissait comme ça à 4 et qu'on laissait les deux jeunes, entre guillemets, gagner le match, j'ai été content. Renaud. Je sais pas si je t'ai entendu, je me rappelle. Non, mais bon, je vais faire assez vite puisque je rejoins totalement les avis des autres. C'était pas un mauvais match, même un bon match. J'ai bien aimé au début l'utilisation de Tensai. Je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont bien utiliser Tensai cette fois, et finalement tout tombe à plat une fois qu'il se fait éliminer. On avait vraiment l'impression que c'était Team Tensai contre Team Brodus Clay, hein. Je rejoins Tifo sur ça. On avait vraiment l'impression que c'était ça à la base, mais finalement les deux sont éliminés, puis on passe sur les matchs avec ses poids moyens, ça va un peu dans tous les sens, c'était vraiment pas mal. Ça reste un match bouche-trou, mais j'ai bien aimé notamment l'utilisation de... Ouais, j'ai bien aimé l'utilisation de Tyson Kidd. Voilà. Écoutez messieurs, pour passer au Diva Time. Yes. Le Diva Time, ça a duré 7 minutes et 23 secondes, c'est pas le match le plus court de la soirée. Un match où Yves Torres a battu Caitlyn dans un match où on s'est tous rendu compte que Caitlyn avait maigri. Et c'est le seul truc à dire sur le match. Non, moi j'ai retenu le tombé de Yves sur Caitlyn qui lui a bien touché les seins. Voilà. Ah, petit coquin. Salope. Ah, mais il y a aussi un petit avant-match tout pourri. Ah oui. Ah oui. Qui amène un match à Raw d'ailleurs. Ce fameux Yves contre ce fameux Caitlyn contre Aksana Haro, c'était waouh. Le match de l'année, hein. Dream match. 5 étoiles. Ah ouais, 5 stars. Ah ouais. C'est moins 5, mais bon. Oui. Mon dieu, c'est quand même les deux divas les plus mauvaises sur le ring. Encore Caitlyn, elle s'est vachement améliorée depuis qu'elle est arrivée. Justement, oui, c'est ce que j'allais revenir moi à propos de ce match pour un avis rapide. Bah justement, ça montrait les progrès de Caitlyn, hein, en quelque sorte. Déjà que niveau physique, elle est devenue beaucoup plus catcheuse que bodybuildeuse, et puis parce qu'elle l'était comme ça avant. Et puis c'est son meilleur match sans problème. Ça fait un peu plus d'un an et 3 mois qu'elle est à WWE, c'est son meilleur match sans problème. Après, c'est sûr, c'est pas très haut niveau, mais au moins c'est propre pour une fois. C'est choquant quand je dis ça sur Caitlyn, d'habitude c'est pas le cas. Vincent, tu voulais rajouter un truc tout à l'heure. Ouais, je viens juste de le voir. Oui, parce que Renaud parlait de Tensai avec son utilisation, je voulais juste dire que... Enfin, je m'en rappelle plus d'ailleurs. Ah oui, non, je voulais dire que c'est quand même paradoxal, parce que à la WWE, il y a pas mal de poids lourds qui ont fait leur début ou leur retour il y a pas longtemps. Mais en fait, c'est que Ryback qui est bien utilisé, entre guillemets. Parce que Tensai, Brodus Clay, voilà quoi, ils sont pas super... En fait, Brodus Clay, c'est tombé, quoi. Brodus Clay, ils l'ont booké d'une façon à le monter, finalement, tout est retombé. Le problème, en fait, Brodus Clay, ouais, c'est qu'il a perdu contre Big Show. Ah ouais, non, à partir du moment où il s'est fait tuer par Big Show, c'était fini, hein, ça c'est clair. Tout est parti de là. Ouais. Là, puis le fait aussi de le faire tout le temps jouer, enfin, combat dans des squashs au début, enfin, même nous au début, ça nous plaisait de voir Brodus Clay, après on a eu vite marre. Ouais, on se lasse très vite de ces choses-là. Ouais. Sinon, pour parler des divas, je trouvais que Caitlyn était très mauvaise dans son match contre Yves parce que, genre, elle mettait un coup de pied. Ah, une fois, on va pas être d'accord, alors, c'est bien. Ah bah, c'est bien. Elle mettait genre un coup de pied à Yves, que Yves était au sol. Elle faisait un petit tour, genre je sais pas trop quoi faire. Ah oui, c'est vrai, je dois mettre un coup de pied. Alors mettez un. J'avais l'impression qu'elle réfléchit tout le temps à ce qu'elle devait faire. Ou alors elle cherchait à faire réagir la foule, mais sauf que ça marchait pas. Puisque c'est les divas, puisqu'on a un petit peu rien à foutre des divas. J'ai aussi un truc à ajouter, c'est terminé Vincent. Vas-y. Ok, c'est moins le Godbuster, ça a pas d'impact quand Caitlyn le porte, ça, on dirait que c'est pas un finish quoi. On dirait que c'est un move juste pour travailler une partie du corps et elle le prend comme finish. Parce que je veux dire, il y a des mecs qui portent le Godbuster comme Roderick Strong, que tu peux dire ouais c'est son finish, c'est clair, mais elle le porte, qu'il y a tellement pas d'impact, on dirait que c'est un move normal quoi. Surtout à Rock contre Aksana quoi. j'ai vu le code poster et après le tombé, je me suis dit, ah ouais, c'est déjà terminé, mais je croyais pas que c'était le finish, quoi. Mais je sais pas, c'est peut-être le, juste comment il le porte ou. Ouais, il y a pas d'effect dans ces prises. Le petit truc qui fait que tu dis, waouh, quand tu fais la prise, bon, ok, c'est des divas, mais même, quand elle fait son moonsault ou ses coups de pied, bon, c'est un minimum d'effet, quoi. Mais Caitlyn, déjà, je trouvais qu'elle cherchait, ce qu'elle avait à faire, genre, elle se souvenait plus de comment construire son match, comment mettre en place sa stratégie. Et en plus, oui, je te rejoins MP, ses prises, voilà, d'une pauvreté, enfin, elle a placé quoi, deux prises c'est en ce match? C'est Caitlyn en même temps, faut pas trop lui en demander. Hein. Ah oui, ah c'est comme je l'ai dit, elle a plus d'un an de catch à peine et derrière elle, donc après tout. Non, mais ça fait ouais, mais attends, coup. Elle est dans un mais match non, championnat en pay-per-view, quoi. Steven, ressemble pas trop, non, on va pas non plus leur demander de faire 5 étoiles. Bah non, mais ils ressemblent plus aucune place en show, c'est zéro, là. Ouais, non, c'est zéro, la division Diva. Faut plus, Bah oui, moi j'ai dit carrément, si elles étaient enlevées, il y aurait aucune différence, même. Franchement. On s'entend quand même qu'on avait des Layla contre Beth Phoenix, c'était pas mal mieux, quoi. Je pense que Tifo va aussi me rejoindre sur ce point. Mais c'est même plus lointaine. Concernant quoi? Concernant le Diva du Non, mais j'ai entendu Beth Phoenix et après j'ai pas compris la liaison. Je disais que quand on avait des Layla contre Beth Phoenix, c'était pas mal mieux qu'en ce moment. Oui, c'était mieux, bah oui. Bah de toute façon, déjà, il y avait Layla, donc c'était mieux. Non mais même Alicia Fox quoi, elle est déjà largement meilleure que du talent Alicia Fox. Alors qu'on met Caitlyn en pay-per-view, enfin je vois pas trop le truc. Peut-être pour changer un petit peu, mais oui, mais pour changer, mais surtout qu'elle s'est fait gruger une fois et voilà donc. C'est une rotation. Oui c'est, voilà. C'est le débat qu'on a eu, je crois, de plus long. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Dingue. On parle trop des divas là, messieurs. Personne d'autre veut rajouter quelque chose? Non. Moi je voulais juste dire que Caitlyn était bonne quoi. Ouais, que son theme song était à chier, qu'elle avait. Moi je l'aime bien, le début de son theme song je le trouve bien. Mais ouais, mais bon, ça fait pas réagir du tout. Ah, c'est quoi déjà, je me rappelle même plus de son thème. Je veux pas te le dire parce que j'ai. Non, l'air, c'est impossible de faire. Tu fais quelque chose comme ça. C'est une musique de fête foraine en fait. Oh, j'irai écouter. Ouais, c'est ça. Kizarni. Merci Vincent. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer au match suivant. Le match pour le United States Championship, ça a duré 6 minutes et 58 secondes, et Antonio Cesaro a battu R-Truth. R-Truth qui délaisse de plus en plus Little Jimmy. Ouais. À chaque fois, quand on lui parle de Little Jimmy, il est pas là, il est pas avec moi. Exemple en date. Il en a parlé d'ailleurs au Raw suivant, au commentaire, je crois. Ouais. Il a dit que c'était sérieux, donc il voulait pas Little Jimmy pour le déranger. Voilà. C'est sûr. Ça va mener ça, cette histoire entre Cesaro et. Mais je vais laisser Gus parler. Non, mais j'ai rien à dire sur ce match, c'était mauvais. Cesaro est un gars super talentueux, mais je crois que. Je sais pas si c'est vraiment son style, parce que je le connaissais pas trop avant qu'il arrive à WWE. Mais je sais pas si c'est vraiment son. S'il était si lent que ça quand il était Claudio Castagnoli à son époque Ring of Honor, enfin à son époque Indie, quoi. Est-ce que c'était lent déjà? Un petit peu, mais disons qu'il a un style très technique aussi, donc forcément, le style technique. Oui, voilà. C'est le truc qui me gêne. J'adore Cesaro. Je le trouve excellent. Mais c'est vrai que au niveau de son rythme, qui met dans les matchs, des fois on s'endort. C'est pour ça que peut-être que les supporters. Enfin, je vois écrit supporters dans le chat, du coup je dis supporters. Non, mais c'est que le truc, c'est qu'il fait pas réagir du tout. C'est son theme song, ouais. Non, mais c'est, oui, enfin, son theme song encore là. Ah, ouais, enfin, c'est vrai qu'il fait pas réagir. Mais même dans le ring, il porte, je sais pas, je trouve qu'il fait pas réagir. Il y en a qui vont me dire le contraire, mais, pour moi, il a eu une petite hit, hein, quand même. Une petite. Mais non, mais attends, mais dis-toi que le public était à chier pour les séries. Ouais, c'est vrai qu'il était à chier. Encore une fois, on va dire, mais bon, Il était déjà mieux que 8000 spectateurs, hein, se tombaient aujourd'hui. 8000 spectateurs pour les séries. Mais c'est vrai qu'il était à chier le public, mais même, on remarque quand même qu'il a pas non plus des hits énormes, quoi. Faudrait vraiment voir après ce que ça donne dans un Raw live, mais là où. Mais une vraie rivalité, oui. Une vraie rivalité, moi. Je pense qu'il est prévu avec The Miz en 2013, hein. Dans les plans, il paraît. Peut-être maintenant, mais je mise, je sais même pas si on en reparlera tout à l'heure du mise, d'ailleurs. Oui, oui, ça on verra, mais bon, comment on parle César Rose, tout ça. En même temps, pour lui. Vas-y, MP. Bah, je voulais juste ajouter pour terminer, en tout cas, sur César Rose, je vais juste dire que c'est aussi dans un match de 6 minutes, c'est pas évident de quoi, de faire un truc, super cool, là, quoi. Tu laisses pas beaucoup de temps pour exprimer tout son talent, donc, c'est peut-être pour ça qu'il paraît pas hyper bien dans cette forme-là, puis c'est un différent style que l'Indy, quoi. Même si je suis sûr que Cesaro s'adapte bien parce qu'il a beaucoup d'expérience, tout, il a catché à plusieurs endroits, mais, c'est pas pareil non plus, donc, j'ai envie de dire, laissons-lui le temps, laissons-lui des matchs plus longs, ces matchs non plus sont pas hyper mauvais, il y a quand même, toujours des trucs qui sont plaisants à voir, mais je pense que, comme Gus le disait, laissons-lui d'une bonne rivalité et tout, je pense qu'il va se prouver. Faut juste pas tirer un peu la conclusion. Faut pas le griller trop tôt non plus. Faut absolument pas le griller. Donc c'est juste ça que j'avais à dire sur Staro. Je vais laisser Vincent parler. Ouais, moi je veux dire, bah pareil sur la rivalité. Si on lui met quelqu'un en face qui est, je sais pas, un Rey Mysterio ou un... Je sais pas, enfin, un nom assez connu, enfin, un face qui est populaire auprès des gens, je pense que quand même, ça va lui apporter un peu plus de hit, parce que c'est pas en affrontant Ertrus ou Justin Gabriel qui va avoir de la hit, quoi. Surtout Ertrus. Totalement d'accord. Et puis, répondre à la question de la lenteur de Castagnoli, je te passerai, si tu veux, une vidéo d'un finish qu'il fait, alors je sais pas dans quelle fédération il me dit, où il fait un Canadian Pile Driver, je peux te dire qu'il peut porter des prises encore plus techniques qu'il en porte dans le ring. C'est pas une question de qu'il est pas, enfin qu'il a un catch trop lent. C'est la façon dont on le book. Oui, Canadian Pile Driver. Air-Truth, son adversaire, ça va pas aider au niveau du rythme. Parce que là, je reprends ton exemple, Vincent, si tu lui mets Rey Mysterio, le match ira quand même beaucoup plus vite et je pense que ça donnerait quand même un bien meilleur match, voire un très bon match. Ouais, mais c'est clair, le Mysterio il est booké avec Sin Cara jusqu'à WrestleMania. Mais c'est un exemple, par exemple. Et imaginons Evan Bourne, qui, je sais pas combien de temps encore il sera. Pas. Ce sera déjà, on sait même pas s'il va revenir et s'il revient, c'est pas avant 2013. Ouais, mais on sait jamais, hein, tu sais, un match entre deux anciens de la RO, enfin de la ROH, donc, pardon. Non, lui, ils l'ont déjà fait, c'est la WWE. Ah, ouais, mais ça peut donner du bon. C'est ça le truc. Après, c'est aussi difficile pour les mecs qui sont pas en haute carte de se démarquer parce que ils ont pas beaucoup de temps d'antenne dans les shows hebdomadaires. Donc, comment veux-tu créer une bonne rivalité, quoi? Donc, c'est un peu difficile aussi d'amener la hit. C'est pendant 5 minutes de show à Raw que tu peux faire applaudir les gens. Enfin, c'est assez difficile, quoi. Eh oui, moi je suis d'accord. De toute façon, c'est le titre des États-Unis, il est placé à un titre hyper mineur, donc à partir de là, c'est dur de s'imposer. Après, je reviens rapidement sur Ertrus. Bah, je crois qu'on a le retour du Ertrus à son arrivée à WWE, le WhatsApp, le face basique, voilà quoi. Et ça a un sans saveur du tout. Et pour revenir rapidement au match, à mon avis, Ertrus, il est aussi très coupable parce qu'alors, vraiment retrouver le Ertrus qu'on aime jamais voir sur un ring. Ouais. MP. Mais Boussy m'a fait passer un truc, il vient de parler d'Ertrus face. Je sais pas, je pense pas que je suis seul, mais pour moi, Ertrus est beaucoup, est, en fait, supérieur en heel qu'en face, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, clairement. Ça, on a vu. Ça, y a pas photo. Parce que quand il était en main event avec Cena l'année dernière, ok, le match c'est pas super, mais je trouvais que son personnage était 10 fois mieux qu'en ce moment, quoi. En même temps, t'as plus de temps pour prouver en money event et tout, mais je veux dire, le personnage était beaucoup plus profond en termes de... Ce qui lui a fait mal à son personnage de heel à Ertrus, c'est que c'est sa suspension l'année dernière au même moment, quand il avait été suspendu un an. C'est vrai, il était bien lancé, il faisait le money event, la fin de sa team, En plus, la fin de la team s'est faite quoi, un bas, genre... Après le match, après la défaite, t'as... Ils étaient pas contents, alors t'as, je sais pas, je crois que t'as Ertrus qui veut se barrer, on pensait tous que, d'ailleurs je pensais que Miz allait tourner l'année dernière au même moment, t'as le Miz qui commence à tabasser Ertrus jusqu'à lui porter son skull crushing finale sur l'arène. C'est ça. On rappelle vaguement, C'était Senna qui les avait brouillés. Ouais. Il leur avait un peu lavé le cerveau, style, pour qu'ils se prennent la tête tous les deux, et il avait réussi son coup. Bon, c'était très bidon. Et puis je pense aussi que bider le main event des séries contre le Rock et Cena ne doit pas être non plus très encourageant pour les bookers, enfin pour Vince McMahon quoi. Bon, c'est pas d'accord. On va pas reparler du match de l'année dernière, mais... Ah, ça avait quand même assez bidé, je pense. Hein. Bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour sur ce match. Ouais. Effectivement, ouais, on va aussi, pouvoir passer au match pour le World Heavyweight Championship. Messieurs, ça a duré 14 minutes et 45 secondes, assez peu de temps donc. Et Sheamus, dans un premier temps, Big Show l'avait emporté par tombée, mais au final, l'arbitre qui n'arbitrait pas le match a renversé la décision et Sheamus a remporté le combat par disqualification. Alors, messieurs, pour mettre les choses au clair, pourquoi ? En quelle raison Big Show se fait disqualifier dans ce match-là ? J'ai pas compris. Parce qu'il a, je crois que t'es pas le l'arbitre en pouce, parce que Sheamus faisait son bro kick et donc. Sheamus a frappé l'arbitre à cause que Big Show l'a tiré vers l'angle. Il paraît, ouais. À l'intérieur. Ouais, c'est ça. Je sais pas, franchement, j'ai pas remarqué, moi, sur le live, hein, que Big Show avait pris la main de l'arbitre. Il y a eu plusieurs reprises, quoi. Je sais pas, franchement, en le regardant avec le replay que j'ai téléchargé, on avait quand même plusieurs reprises. On le voyait très bien, quoi. Ça peut se transformer en fait de match après ça, donc bon. J'ai envie de dire. Si tu regardes bien, l'arbitre qui fait le tomber, c'est le même qui renverse la décision. Non, il y a deux arbitres différents qui viennent à la rescousse de l'autre, donc non, c'est pas le même. Ah, d'accord. Je vais te dire sur le match est quand même bon, un peu moins bon que celui de Night of Champions. Faut avouer que la barre était mise très très haute, voilà, à 20 minutes. Non, mais ils pourront plus refaire ce qu'ils ont fait à In the Cell tous les deux. Mais quand même, Big Show s'est trouvé un vrai adversaire, enfin un bon adversaire avec Sheamus quand même. Ah, complètement. Mais voilà, Sheamus, il s'adapte. Ça fait 10 ans que Big Show avait pas donné un match, n'avait pas donné de bon match, et là ça fait deux d'affilée contre Sheamus qui sont quand même bien regardés, quoi. Exactement. Oui, surtout ce sont des matchs simples, il n'y a pas de stipules encore, ça va arriver la prochaine fois, mais... Ce sera un tiers match. Hein. Ouais. On a eu le build-up direct après le match. Le tiers match, quoi. C'est la stipulation, la pire stipulation du moment. Je sais. On se rappelle de Taker Batista, tier match. Exactement. Ouais. Moi, je comprends. Je me rappelle de ce Cena Barrett en tant que tiers match aussi. Exactement aussi. Non, mais c'est parce que le pay-per-view s'appelle TLC, hein, parce que le tiers match, la stipule sert à rien. Ouais, faut toujours qu'il y en ait un qui tombe mal comme ça, on a eu Barrett Cena, enfin voilà, faut toujours qu'il y en ait un match qui tombe mal sur ça et ouais, voilà. C'est un peu à la con quoi. Un peu ouais. En effet. Vincent, sur le match. Alors, vous avez dit que Big Show a trouvé son meilleur adversaire, depuis très longtemps. Mais moi c'est d'accord, Sheamus il matche bien qu'il y en a avec un peu tout le monde déjà au départ. Hein. Ouais. Non mais moi je peux parler. Vous pouvez aller sur le blog de Norbert parce que Norbert a fait une review des séries et je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il a dit sur ce match. Il dit que ça fait peut-être 10 ans que Big Show fait des mauvais matchs, mais qu'il a enfin trouvé un adversaire qui arrive à le faire matcher de manière correctement. Donc allez, après avoir écouté le podcast, allez sur le blog de Norbert. Norbertfeuillant.tumblr.fr. Voilà, merci Gus. Oui, donc forcément, il ne pouvait pas faire aussi bon. Mais moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est l'après-match. Parce que quand même, Sheamus avait un petit peu une attitude de heel. Hein. Alors, pas parce qu'il va frapper avec la chaise Big Show, mais à un moment, il fait « supplie-moi pour pas que je te frappe ». Et finalement, il n'a pas frappé. Enfin, je suis désolé, ça, c'est un peu une attitude de heel, quoi. Bah non, c'est souvent ça, le heel qui supplie le bonhomme pour pas se faire frapper. Ça arrive oui, moi, c'est déjà arrivé un nombre de fois énorme. Oui. Sauf que ouais, là, c'est Sheamus qui disait « Faut que tu me supplies pour que j'arrête ». Ouais, mais Vince, tu connais le personnage de Sheamus, même Face, c'est un guerrier, quoi. Mec. Ouais, enfin, mais en plus... Tu vois, son état d'esprit, quoi, de combattant, donc même avec une chaise, ils bon, c'est pas le Face à la John Cena qui « Oh, je veux pas frapper avec une chaise parce que c'est pas bien ». Sheamus, on le connaît, hein, c'est un guerrier, même avec la chaise en main, même s'il est Face. Je connais Sheamus. D'abord, c'est mon point de vue. Ouais, je le connais bien, Sheamus, mais il était chez moi il y a 2 heures, là. Ah, d'accord. Ok, bon, bonjour à lui, alors la prochaine fois. Fais là. Parole à qui faut. Félation. Ah, et moi Non, attends, j'ai entendu Tifo. Si Vincent n'a pas fini, parole à Tifo. Non, non, c'est un par la Tifo. Non, j'ai juste dit que j'ai pas trop aimé la fin du match, mais sinon j'ai fini. D'accord. Mais Tifo. Donc, ouais, mais moi je vous trouve vachement généreux avec ce match en fait. Moi ça m'emballe pas plus que ça. Il doit y avoir allez, 3-4 minutes vers la fin qui sont sympas là, à partir du moment où merde, c'était quoi comme prise là où le Big Show a été pris une superplexe, non, je sais plus. Electric Chair. Ah, l'Electric Chair, d'accord. Ouais. Ouais, je connais pas le nom des prises, moi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça, à partir de ce moment-là, ça est devenu à peu près intéressant. Même pour moi, ça a été le seul moment intéressant, parce que avant, sinon, c'était... Oh, je m'emmerdais, moi, concrètement. Donc, à partir de là, jusqu'à la fin, donc c'était assez sympa, après. Et moi, je rejoins Gus sur le fait que la manière dont s'est terminé le match, c'était totalement incompréhensible. Moi, j'ai pas compris pourquoi l'autre, il inverse sa décision. Enfin, c'était le flou total. Même là, maintenant, vous m'avez expliqué, pour moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Enfin, bref, c'est... Bah pour moi, c'est logique. Sheamus Big Show a mis l'arbitre devant lui, enfin, a provoqué le bro kick sur l'arbitre, donc forcément, il a triché, donc... C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve, quand même. Non, enfin, c'est pas flagrant. C'est juste que ça s'est passé assez vite, donc ouais, moi aussi, sur le moment, j'ai pas... Je me suis dit, merde, il a fait quoi le Big Show, mais... Après, il te montre plusieurs fois les images, donc forcément... Mais c'est vrai que le match était pas vraiment... De toute façon, fallait trouver une fin à la con pour pouvoir continuer la feud jusqu'à ce moment. Exactement, c'est exactement ça. Ah, tu pouvais pas avoir deux victoires de Big Show sur Sheamus. Exactement. Est-ce que TLC Ziggler pourrait cacher? Ah oui. Ah oui, moi je le dis direct. Ah ouais. On parle de ce genre de stipulation, mais... évidemment. Moi, j'ai peur que ça fasse vraiment trop copier-coller par rapport à l'année dernière, du coup, je vois pas super caché. Ouais. Je sais pas. Bon, c'est vrai, t'as raison aussi. Je sais pas. Mais parce que c'était après un cher match aussi. Ouais, mais j'ai du mal à voir Ziggler. Ça arriverait deux fois sur le Big Show aussi. Moi, j'ai du mal à voir Ziggler en champion avant 2013. Et pareil, il faut bien qu'il cache sa mallette. Je le vois champion, je le vois avec la ceinture, ça c'est. Ah, il a encore le temps pour cacher sa mallette. Oui, il a encore 6 mois, encore 7 mois pour cacher. Oui, il a le temps, ça c'est clair. Je le vois pas champion avant 2013. Je trouve que s'ils font cacher à TLC, ça ferait vraiment trop copier-coller par rapport à Brian l'année dernière. Ah, mais après, je le vois pas du tout caché non plus dans la période WrestleMania. Bah, moi non plus. Donc ouais, ça se trouve il peut la garder encore super longtemps. Tant mieux, mais moi je trouve pas ça cool après quand les lutteurs cachent trop vite la mallette. Je me rappelle de Kane qui avait caché le soir même. Par exemple. Ça enlève un peu de suspense, on va dire. Ouais, carrément. Ouais. Écoutez messieurs, je pense qu'on a tout dit sur le match. Peut-être un MP. Bon ben pour faire un lien avec ce que vous avez dit, on parlait du finish et tout. Je voulais juste parler d'un petit détail que j'ai bien aimé, justement, les commentateurs dans ce match-là, je trouve qu'ils ont fait un bon travail, justement, avec le finish, je pourrais tout expliquer. Je sais que, bon, Gus, peut-être pas, il comprend pas tout en anglais, mais moi, je comprends quand même assez bien, donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est cool de voir le travail des commentateurs là-dessus. Et aussi dans le match, je pense que, par exemple, on mettait bien le fait que Sheamus, quand il a fait les trickshares, par exemple, sur Big Show, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de monumental qui se faisait pas partout. Donc, ça, c'était un bon travail des commentateurs pour mettre l'importance sur ce match-là, puis l'importance sur les mouvements importants du match. Donc, j'ai bien aimé le travail de Cole, de l'arbitre. Oui, JBL aussi, oui. Qui fait, par contre, quelquefois, ça s'attarde un peu trop sur des trucs pas vraiment importants. Ouais, mais d'ailleurs, il a redit que C0 avait participé au top 14. Ah, mais il sort toujours les mêmes faits, quoi. Ça doit faire 10 fois qu'il dit, donc. Ils sont bons pour se répéter, quoi. En effet. J'ai une toute petite stat. Vincent, vas-y. Sheamus n'avait pas perdu depuis SummerSlam de l'année dernière. Contre Mark Henry, ça faisait quand même un petit moment. Enfin, par rapport à Hell in a Cell. Oui, Hell in a Cell. Non, mais elle a perdu plein de fois déjà avant. En pay-per-view. Ah, en pay-per-view, bah oui, en pay-per-view. Enfin, plein de fois, tout est relatif. Et tu sais, il a quand même perdu plein de fois contre Punk. Il a jamais battu Punk, par exemple, durant le règne. plein dur en début de main event, tout ça, quand ils se sont affrontés plusieurs fois. Jamais il a battu. C'est-à-dire, ça fait depuis 2 mois, allez, voilà, 2 mois. Ah ouais, mais bon, jamais il a battu Punk, quoi, alors qu'il était, voilà, les Watchers. En pay-per-view. Il te parlait en pay-per-view, hein. Oui, non, mais oui, non, mais d'accord. Mais non, plus d'un an, oui, il avait perdu. En pay-per-view, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Bon, c'est clair. Oh, bah, oui, bah... Avec le nombre de pay-per-view qu'ils font maintenant, en plus. Et on verra après en parlant de MSV. Après, disons qu'il a pas eu de... l'année dernière, il a pas eu de match aux séries. Non, il a pas eu de match à Night of Champions. À NECL, je le vois pas matcher non plus. Si, contre Christian, non, enfin, je sais plus. Si, si, contre Christian, exactement. Ouais, après aux séries, il était dans la team Orton où il s'était fait éliminer. Tu es disqualifié par l'arbitre de victoire. Ouais. Enfin. Ouais, bon. Oui, quand ton équipe gagne, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas ça. Les 55, c'est quand même, c'est particulier. D'ailleurs, j'ai une super transition, merci Brucey. On va pouvoir passer au match suivant. D'accord. Où la team Ziggler et la team, Il y avait pas un segment d'AJ par hasard? On s'en fout, non? Oh, ouais. On s'en fout. Ah oh, ouais. Non, bah, je dis ça, Photoshop. Moi, je... On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Surtout que c'était pourri. Alors, je disais, donc, la team Ziggler, Dolph Ziggler, Alberto Del Rio, qui a fait une grosse prestation, Wade Barrett, lui aussi, m'a bien impressionné, Damien Sandow et David Otunga, ont battu la team Foley, donc, Randy Orton, Team Elno, The Miz et Kofi Kingston, dans un match qui a duré 23 minutes et 43 secondes, c'est le match le plus long de la soirée. Alors, je disais, justement, les 5 contre 5, c'est assez particulier dans les Survivor Series, parce que, je sais pas quand, si vous avez remarqué, à chaque fois que, l'annonceur, à chaque fois, il dit pas le vainqueur et team machin, il dit les survivants sont. Donc ça, c'est bah, moi aussi, c'est ce qui m'étonne, c'est, tu vois, quand genre un adversaire est éliminé, le mec il rentre directement au vestiaire, tu vois, il reste pas supporter son équipe, quoi. Ouais. Ça, je trouvais ça un petit peu décevant. Moi, ce serait bien de voir les gars rester jusqu'au bout et après célébrer tous ensemble, quoi. Non, mais c'est jamais le cas, faire peut-être pour éviter aussi les, entre guillemets, les interventions dans le match. Et je dirais quand même pays dit sur le chat, c'est toujours comme ça, hein, normalement. Ouais, c'est toujours comme ça, ouais, peut-être, mais enfin, je me souvenais plus trop, mais bon, je trouvais ça assez décevant. Enfin, moi, j'aimerais bien que ça reste, quoi. Ouais, mais enfin, c'est pour éviter les interventions abusives dans le match, quoi, parce que sinon. Ouais, c'est ça, oui, voilà. On aurait une chez plus 10 d'intervention à la fin du match et ça nous casserait peut-être les couilles aussi. Oui, ça nous ferait un lumberjack match à la fin. Hein, ouais, final. Voilà. Renaud, justement. Ben, écoute, j'ai bien aimé ce match. Pas trop le début, parce que bon, c'était quelconque au début. Damien Sandow, le pauvre, il a servi à rien. Otunga, alors lui, pareil. Kane, pareil. Et Kane, il a servi à éliminer Damien Sandow. Voilà. Kane, il a servi à éliminer Damien Sandow. À part ça, le pauvre aussi, Kane. Mais à partir du moment où ils ont tous été éliminés, ces mecs-là, j'ai adoré la prestation de Alberto Del Rio, comme tu as dit. Franchement, ouais, alors je sais, à chaque fois je dis pareil, mais... À chaque fois je dis que Del Rio, je le trouve pas bon dans le ring, mais là, franchement, Del Rio, il était quand même... Waouh, quoi, il a été très bon. Ouais, franchement, Del Rio, il a été très bon. Il a été très très bon dans ce match. Ziggler, bien aimé. Le Miz. Et Randy Orton Barrett aussi. Mais à part ces mecs-là, le début du match, il est pas bon. Hein. Franchement, il est pas bon le début du match. C'est après que ça s'est rendu. J'ai bien kiffé l'élimination de Wade Barrett, moi. Alors, elle est comment déjà? Parce que de mémoire. Alors, c'est les FS. Non. Oui, c'est ça, ouais. Je crois qu'il y a, Barrett qui va lui faire une prise. Qui va faire une prise au Miz. Et t'as un super compte du Miz qui transforme ça en Skull Crushing Finale. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, en parlant du Miz, est-ce qu'il a turné? Oui. Oui. Pour moi, oui. Je m'en suis pas rendu compte, hein. Moi, c'est toujours Twinner, à mon avis, hein. Moi, j'identifierais ça. Ouais, ça va se faire. Ça va se faire. Là, on a vu déjà Arrow, il a affronté Otunga, ça se met en place petit à petit. Bon, après le lendemain, bon, moi, je viens de voir Main Event. Plus, c'est vrai qu'il était très, très supporté par le public, vraiment, énormément. Plus, enfin, après, Main Event s'est rajouté aussi, hein. Ouais, mais là quand même, vas-y MP. Affronter Ziggler en plus, donc un gros heel, c'est pas ça qui manque, quoi. Et on le voit qu'il est placé face à des heels, on voit qu'il a fait des bonnes réactions, c'est tout prévu, quoi. Ah mais justement, tu fais la transition. Officiellement tourné face, quoi. Je pense pas qu'il va revenir heel, quoi. On s'en vient depuis que Foley l'a mis dans les choix pour l'équipe Foley, justement. On voit se tourner en face, donc je pense pas que c'est pour revenir. Il est pas tweener, quoi. On le voit. Ouais, mais pour l'instant, je trouve qu'il est dans une phase intermédiaire encore un petit peu. Bah, non, toute façon, il est pas encore élaboré à fond son turn. Hein. Ça se met en place depuis 2-3 semaines, quoi. Mais on voit aussi. C'est bien parce que normalement, les face turns, ils sont. ils sont pas sur la durée, ils sont de suite. Là, c'est vrai que c'est bien pour une fois, il est construit. C'est plutôt cool. Non, mais on voit aussi qu'il cherche la foule à réagir, quoi. Il levait les bras et tout. Donc, pour moi, c'est officiellement Fistorm, quoi. Tu peux pas dire que le mec essaie pas de faire réagir la foule en sa faveur et tout. Donc, c'est un Fistorm pour moi. Et juste pour revenir sur la fin du match, Dolph Ziggler qui gagne avec un super kick. Wow, super. Ouais, j'aime Storm. Storm. Ouais. Ou même à Shawn Michaels aussi, ça fait penser. Et c'est la deuxième fois en pay-per-view que Ziggler gagne sur un super kick. Là, l'année dernière, il avait déjà gagné contre Zack Ryder. Voilà, c'est Morrison, ça, exactement. C'était à Vengeance. Peut-être Morrison, je sais plus. Non, c'était sur Zack Ryder à Vengeance. Le soir où il avait deux matchs à faire, il a eu un match par équipe et un match en 1 contre 1 pour le titre US. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, le super kick. Souligner le super kick magnifiquement porté par Mr. Showoff. D'ailleurs, je sais pas si Gust allait enchaîner sur ça, mais je voulais dire... Si on peut noter la tentative de point kick de Orton dans la fin de match. Eh oui, mais justement, je voulais, sur le coup, j'ai pas pensé, mais ouais, je voulais en parler. Il est pas banni le point kick ? Si, mais bon, nous on le sait. Je veux dire, la news elle est sortie, mais soi-disant, le point kick il y est toujours. Alors, on sait très bien que ça se fait esquiver. C'est autant banni qu'un coup de chaise dans la tête, hein, le point kick. Mais soi-disant, Orton peut le porter. Donc, à chaque fois que vous verrez des point kicks d'Orton, soit il sera contré, soit il sera esquivé. Ça, vous pouvez être sûr. Mais ça montre aussi qu'Orton a peut-être tourné heel cette histoire. Orton, il a besoin d'être heel, hein. C'est ça le problème. Parce que ça, c'est une attitude de heel de revoir faire ce. Orton, il a besoin d'être heel. Ben oui, de toute façon, besoin, ça sera la balance. Ben, le jour où Miz il sera complètement face, Orton il sera complètement heel, à mon avis. Ça sera comme ça, je pense aussi, ouais. Ouais, ben du coup, je suis assez déçu parce qu'ils ont même pas travaillé sur un semblant de turn pour rendre turn officiel, mais juste, je sais pas, le faire sur la durée ou préparer, faire quelque chose. Mais ça peut être ça ton semblant de heel turn. Ouais, mais non, parce qu'il fait ça sur Dolph Ziggler qui est un gros heel, quoi. Bah, moi, perso, je voyais en fait, tu vois, Orton faire gagner sa team à la fin contre Ziggler, et après que Foley vienne le féliciter et puis qu'il lui porte un RKO en fait. Oui, c'est possible aussi. C'était moi j'avais possible. Pensé à ça parce qu'on a vu dans les vestiaires il lui a fait je te déteste. Oui, il me semble que c'est ça qu'il lui dit. Ouais. Oui, je t'avais dit je vous déteste tous. C'est logique. Orton, déjà l'année dernière quand il avait pêché Morrison en quelque sorte, il a dit je ne t'aime pas, je te fais pas confiance alors qu'il était 100% face quoi. Ouais, mais Orton c'est un face asocial en même temps donc. C'est exactement ça. J'ai envie de dire, bon, c'est pas tout le monde qui te rappelle l'histoire entre les deux, mais Foley et Orton, il y a une longue histoire, quoi, donc... C'est ce que j'avais dit. D'ailleurs, au tout début, il rappelait un petit peu, il y avait un segment, c'était au début de la semaine, je crois, non, où il y avait Orton qui disait à Foley, on s'en est mis plein la gueule par le passé, envoyé dans les punaises et tout, mais bon, maintenant, juste à cette occasion, bon, je t'aime bien. Ouais, pour un soir, quoi. Ouais, voilà, c'était ça, ouais. Après, ouais, moi, je vais revenir rapidement sur le match. Bah, j'ai les mêmes avis que Renaud. On va dire, c'est vrai que Del Rio, alors là, lui, c'est le top, à mon avis, là, du match. Ouais. Suivi de Daniel Bryan, qui a passé pas mal de temps sur ring. Je crois que c'est même celui qui a passé plus de temps, toutes équipes confondues. Et puis, ça me fait plaisir, quand même, la fin. Parce que j'avais vraiment peur, là, quand même, Randy Orton, je veux bien. Mais bon, ça fait l'année dernière, il me semble que c'était lui aussi qui avait réglé le compte de tout le monde, là, à la fin. Et, exactement. Donc, deux fois le super Orton, non merci, on a déjà assez vu. Donc, Ziggler, c'est rafraîchissant parce qu'il me semble qu'il restait sur une sacrée série, quand même, des illusions, un peu perdu, il me semblait. Ouais, c'est vrai. Bon, à part Money in the Bank, il a connu beaucoup d'échecs. Donc, il a fait que des défaites depuis Money in the Bank. En plus, donc non, c'est pour ça. Il a perdu contre Jericho, il a perdu contre Orton, et là, il a pas eu de match. Dire que quelques jours avant, il fuyait face à Ryback, donc au moins là, il est recrédibilisé, parce que ça me faisait peur. Hein. Honnêtement, son personnage. D'ailleurs, Orton a pissé le sang. Un petit peu. Ouais, la lèvre. Ouais, il s'est ouvert la lèvre inférieure. Vincent, je crois que je voulais dire quelque chose, non? Bah oui, parce que j'ai pas encore parlé sur le match. Pour remonter avec Mick Foley, c'est quoi l'intérêt de le garder, sachant qu'au départ c'était Mick Foley contre CM Punk, mais Mick Foley a rien contre Ziggler. Ah ouais. Enfin, par un petit segment, il y a en début d'année, avant WrestleMania. Le build-up, on va en reparler. C'était peut-être pour montrer Foley un petit peu, voilà quoi. Je vais pas te mentir, on s'en fout un peu. Clairement, oui, son histoire elle est toujours CM Punk, on l'a vu d'ailleurs plus tôt dans la semaine, et c'est toujours pareil. Hein. Quand il y en a après quelqu'un, c'est après CM Punk. Mm-hmm. Et là, bon, on revient quand même sur le build. Au départ, c'était CM Punk, les équipes ont changé. À chaque show, la team changeait. C'est simple. Ouais. À chaque show, on avait une nouvelle team. Même d'un Raw à SmackDown, même pas d'un Raw. Oui, mais oui, à chaque show, c'est ce que je dis, à chaque show, la team changeait. C'est abusé. On a même eu, au bout d'un moment, c'était devenu Team Orton contre Team Ziggler. Fait ouais, quoi. Super. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça qui crame beaucoup le prestige du match. Ouais. C'est pas trop. Ça fait non, beaucoup de quand même croisé, dans l'ensemble, de toute façon, ça fait deux fois de suite que le build-up est vachement mauvais. De toute façon, pour un pay-per-view. Il y avait que 3 semaines. Ouais, il y avait que 3 semaines, bon. De là, changer les teams à chaque chose. Ouais. En plus. Bon, mais au moins, ouais. Au moins, nous, au moins, le 55, cette année, ils ont fait l'effort de pas nous l'annoncer, 2 jours avant, quoi. Ouais, bah je prends la parole alors. Ouais, je reviens vite fait sur le match. Moi, je veux dire, la performance du Miz, moi, j'étais très emballé par sa performance. Je trouve qu'il a amené du rythme dans le match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que son entrée, elle a dynamité un peu le match, oui. Parce que quand il est rentré, c'était assez lent. C'était assez lent, et là, il est vraiment arrivé avec la niaque, on va dire. Ouais, ouais, j'ai bien apprécié. Et donc, ouais, je vous rejoins sur Del Rio que j'aime pas beaucoup dans un ring également, mais vraiment sa performance était vraiment très très bonne. Après, moi, ce que je veux revenir, c'est sur Wade Barrett. C'est quoi son nouveau finish de merde? Le souvenir. C'est le Boulhammer. Non. Mais c'est nul. Mais ça a changé de nom? Oui, ça a changé de nom. Mais à l'occasion de se ravancer justement, ouais. Mais c'est nul. Putain, c'est pas un finish, ça merde. C'est un coup de coude. Mais oui, non, mais sérieux, moi je trouve ça mauvais, quoi. Non, moi c'est bien. Je le trouve pas bon, moi je préférais le Westland. Bah oui, idem. Bah oui, évidemment. Ça, c'est un peu facile. Ça a la gueule d'un finish. C'est léger, ouais. C'est léger, oui, c'est un elbow violent, comme il dit MP, ouais. Ouais. Coup de violent avec une protection, tu parles. Putain. Ah, et au passage, quand même, c'est pas innocent qu'il ait fait le tomber victorieux sur Kofi Kingston, parce qu'apparemment, c'est une nouvelle vue de Barrett, donc. Exact. Il est voué à aller vers le titre intercontinental, pour voir. C'est n'importe quoi, ça. Mais... emmenez-le directement vers le titre, vers le main event, quoi, bordel de merde. Non, on verra, écoute, il y a le temps. Enfin, c'est pas... Avant WrestleMania, c'est compliqué, quand même. Oui, non, là, oui, d'accord. Voilà. Mais... je sais pas, faites-lui faire une vraie fête pour WrestleMania, quoi. L'amenez pas dans un titre intercontinental où il va perdre à WrestleMania en 2 minutes, comme il y a 2 ans, parce que franchement, non. Là, je vais gueuler, hein. Plus il va aller porter plainte à la WWE, ouais, voilà. Il va aller carrément à Stanford dans les locaux et tout. Oh, c'est quoi ce bordel? J'en ai marre. Il est où Vince là? Il est où? On va faire. Non mais voilà, c'est pas bon quoi ce qu'ils font avec Barrett. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est du potentiel. Hein. Quand tu vois qu'un Swagger est sur le bord de la touche. Swagger il est en vacances. Il va revenir d'ailleurs. Ouais. Sinon, dernier match, là j'ai une grosse déception, c'est Kofi Kingston, même si je m'attendais pas non plus à un grand rôle de sa part, il a strictement rien foutu, il a un rôle hyper anonyme. C'est un peu comme le Brody Skin de la team quoi. Ouais, mais bon, champion intercontinental, voilà. Bref, est-ce que vous voulez passer au match suivant, monsieur? J'avais pas fini. Vincent, t'as pas fini, vas-y, finis, qu'on finisse. Alors, pour le finish de Barrett. Moi, je trouve ça logique parce que ils ont fait un retour plus agressif. Oui, plus, ça d'accord. Mais la garde de rue, donc c'est logique qu'ils ont jarté le Westland. Non, mais ça d'accord. Mais il y avait quand même un truc mieux à faire, quoi. Je sais pas. Oui, ça a pas d'impact, sérieux. Moi, je le trouve pas. Je trouve que ce finish a pas d'impact. Personne. Bah, moi, je trouve. Alors, moi, je trouve quand les lourds, en plus, il tient par le nez, limite, il va lui curer le nez, tu sais. Ouais, non, mais bon. Ça fait un petit peu bout de découvrage, quoi. Mais sinon. Non, moi je trouve que ça va, enfin je trouve qu'il y a pire comme finish à 2-2 quoi. Et sinon j'ai pas trop aimé certains trucs du match, du genre les éliminations, je trouvais un petit peu rapide. Un petit peu trop vas-y qu'on t'élimine pour qu'on passe à la suite. Ah c'est le Kane. Oui, il y a même Otunga il tape. On s'en fout d'Otunga. Ouais, mais les gars, mais attends, c'est le classique, mec il est rebooté, mais voilà quoi. Ouais mais c'est classique dans les matchs Survivor Series traditionnels, ça fait des années que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Beaucoup de roll-up aussi à la con. Ouais. Après aussi sur D Catcher, bah à part Brian qui a vraiment mis du pep, c'est Del Rio qui avait beaucoup d'impact dans ses prises. Il y en a pas vraiment qui sont sortis du lot, hein, parce que comme par exemple Ziggler. Ziggler, il a été opportuniste dans ce match, oui. Voilà. Oui, voilà. par la fin, mais sinon dans le match en lui-même, il fait pas grand-chose quoi. Ouais, enfin bon, après avec 5 catcheurs dans chaque équipe, c'est dur de faire chacun une bonne performance quoi. T'en as, enfin tout, il y en a. Bah, ouais, putain, mais sachant que rapidement t'en as 4 qui sont éliminés, donc après. Sachant aussi que le match dure plus de 20 minutes, donc bon, merde quoi. Merde. Et puis aussi, ouais voilà, Kofi Kingston, transparent quoi. Bah oui, mais ça on savait de toute façon aussi. Ouais, mais si chacun a 5 minutes de gloire dans le match, on va dire, ça fait quand même un sacré temps d'antenne quoi. C'est ça le truc. Mais alors il aurait dû atteindre plus une demi-heure que 23 minutes ce genre de match. Quand on remercie le AJ et son segment, Brosti. Par exemple, oui, c'est vrai, ouais. Bah, puis l'opener aussi qui durait une 18 minutes, hein. Alors que voilà. Franchement, c'est un match rajouté, donc pas besoin de mettre 18 minutes. Et en plus, ce pay-per-view n'est pas allé jusqu'aux 3h, loin de là. Hein. Ouais. 2h45 maximum. Ouais, mais 2h45, c'était fini, quoi. Bouclé. Au revoir. Oui. Bye bye. Bon, alors, est-ce que vous voulez passer à la suite, messieurs? Ça fait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. MP veut parler. MP. Je voulais simplement, pour clore le débat, qu'on a parlé de fond en comble sur ce match, poser une question plutôt. Sur est-ce que vous avez mieux aimé ce 5 vs 5 comparé à l'opener? Déjà différent, légèrement, ouais. Oui, mais d'achouilla. Légèrement, oui. Meilleur match de la soirée, voilà. Oui, ouais, ouais, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, ouais, ce match-là. Moi, je suis d'accord, j'aime mieux ce 5 vs 5, plus de temps d'expression. Plus équilibré aussi. Oui. Et de meilleures séquences dans ce match-là. Il y a aussi des lutteurs plus importants. Exactement. Aussi. Ça aide, ouais. Forcément. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez passer à la suite? Ouais. Enfin. C'est lors du main event. Ça a duré 18 minutes tout pile. C'était entre donc CM Punk le champion, John Cena et Ryback. Et ça s'est terminé en queue de poisson, hein. Pour Ryback, on en reviendra vraiment à la fin du débat, messieurs d'ailleurs. D'abord, on va parler du match. Ensuite, je dirai comment ça s'est terminé. On parle pas de la fin, messieurs. Dans ce débat, je dirai ça tout à l'heure. Surtout que t'en as déjà parlé au début, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est normal, mais voilà. C'est pour essayer de faire un truc un truc logique dans l'émission, tu vois. Parce que l'émission, elle est pas très logique. Voilà, Tifo, tu vas parler du match, maintenant, s'il te plaît. Faut que je parle du match. Ouais, mais pas de la fin. Ouais, bah tu m'as donné une colle quoi. Pff, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est pas bon quoi. Ryback il sert à rien. Honnêtement, il sert à rien. C'est chiant de le voir catcher. Avec ses filles demi-morts, là, son petit bras qui bouge pour faire réagir le public. Encore, le public arrive bien à réagir avec ses petits mouvements de bras. Je trouve ça sympa moi, son mouvement d'épaule. Ouais, ça encore à la rigueur ça passe. Mais sinon, il est emmerdant quoi. Voilà quoi, c'est chiant. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, après Cena Punk. Ouais, après tu. Oui, Brusty, j'ai aimé le pay-per-view quand même. Mais non, mais ce match, c'est pas bon quoi, ça me saoule. J'ai pas envie de voir Ryback en main event, c'est tout. Ouais, j'ai une dent contre Ryback, oui, faut le dire. Ah. Beaucoup lent. Ça fait deux chances en pay-per-view quand même. Hein. Main event. Mm. Bah, c'est chaud de parler de ce match sans parler de la fin en fait. Ben moi le match écoute j'ai pas de problème mais c'est indigne d'un main event d'un grand pay-per-view surtout que Survivor Series pour moi ça fait historiquement partie du Big Four donc à partir de là moi déjà l'année dernière c'était décevant main event alors là celui-là aussi pareil le travail Cena Punk que je l'ai trouvé sans rythme ils ont été comme lénifiés par le rythme de Ryback j'ai l'impression donc à partir de là je suis étonné de la durée parce que tain, moi il m'a fait chier ce match honnêtement hein, ouais mais... pareil. Je suis emmerdé comme pas possible. Moi, j'étais dedans, moi. J'ai bien aimé. Ouais, normal, attends, toi, t'es en plus un fan de Ryback, donc forcément, t'es dedans. Ouais, moi, j'étais dedans, moi, donc, ouais, forcément. J'ai bien aimé. Voilà. Par contre, je dois quand même avouer que les phases entre Punk et Cena étaient quand même moins bonnes que ce qu'on voyait d'habitude. Bah, ils font tout le temps, d'habitude, du truc rythmé, puis là, sans rythme, je sais pas. Bah, normal, y a Ryback à côté qui va interagir. Non, mais, Ryback, une fois qu'ils ont éliminé Ryback en pétant la première table, t'as quand même une bonne phase de 5 minutes où tu le vois pas, quoi. Bah oui, mais bon, après 5 minutes, c'est pas assez pour s'exprimer non plus, hein. Sur ce passage-là, j'ai trouvé quand même pas mal parce que ils ont quand même réussi à varier, comparé à tous leurs autres affrontements. Déjà, de varier après s'avoir affronté tant de fois, c'est déjà bien et il y avait des trucs qu'on n'avait pas vu, donc ça je trouvais ça cool, justement, dans cette petite séquence Punk Cena, pour moi c'est le meilleur moment du match, quoi. Non, et puis moi je dis, quand ils ont fait passer Ryback dans la table, CM Punk et Cena, c'était pour montrer à quel point ils avaient pas tellement envie de voir Ryback dans le match et laisser un peu de temps de parole, enfin d'expression, pardon, à CM Punk et John Cena. Ça montre quand même que Ryback, dans un match, ils en veulent pas tellement, quoi. En main event, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, c'était mon impression. C'est la seule façon de le faire rester crédible. Sans tuer, de le faire passer à travers une table. Qui était pas la table, le commentateur espagnol. Non, d'ailleurs. Ouais, j'étais surpris. D'ailleurs. Ils ont peut-être dit, cette fois-là, on peut plus avoir la table défoncée, parce que là, c'est presque toujours comme ça. Donc, ils ont donné des petites vacances, au moins, pour un peu perdu, quoi. Bon, ils ont eu du sursis, quoi. Mais il y a eu la fin. Du sursis, oui. La fameuse fin, donc je vais en parler maintenant. D'ailleurs, on a Ryback qui est revenu de nulle part, qui a fait deux shell shocked, un sur Punk, un sur Cena. Et là, t'as Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns qui arrivent, donc qui les trois bonhommes de NXT. Qui Roman Reigns. Qui est ce gars? C'est le cousin du Rock, en fait. Cousin du Rock. D'accord. Et le Rock a 36 000 cousins, donc bon. Ouais, c'est oui, en plus c'est les familles consanguines un peu. Alors, c'est vrai. Ouais, exactement. Donc bon. Les familles de. À suivre, on verra bien. Hein. C'est ça, moi, c'est la famille de gitans, ça dit tout ça, donc voilà. Les familles de gitans, ils ont des cousins de partout, c'est un truc de fou. C'est abusé. Enfin bref, donc je disais Dean Ambrose, moi j'ai trouvé la fin juste excellente. Quoi de moins mieux une fantaisie un dans le pay-per-view, quoi. Quoi de mieux pour un début pour Rollins et Ambrose, quoi. Après Roman Reigns. Quoi de mieux? Je m'en fous. Quoi de mieux? Oui, mais justement, si, mais je me répète, t'as quoi de mieux? Il y a infiniment plus de choses mieux, quand même. Y'a quoi? Je l'ai fait intervenir, surtout Rollins, à régler Ambrose, d'accord? Parce que lui, ça fait plus ou moins qu'il a rien. Mais Rollins, c'est champion NXT. Il peut faire intervenir dans n'importe quel autre contexte, moi, je pensais. En parlant de ça, dans un groupe comme ça où le mec il arrive, il est même pas reconnu par la foule, quoi, quand même. Je l'ai pas reconnu sur le base d'un coup non plus. D'un coup, je sais, c'est pour ça. D'un coup, j'entends Michael dire, j'entends Seth Rollins, je fais non, chaud, il est là. Toi, tu dis quoi de mieux? Non, j'ai beaucoup mieux. Franchement, je trouve ça un bon choix de après. Je trouve que l'impact, y a pas le meilleur impact. Y a pas eu après, meilleur impact, quoi. Moi je suis assez d'accord avec Gus, parce que Rollins, on aurait pu le faire débuter, je sais pas, à SmackDown par exemple, mais il aurait feudé, aller pour le titre intercontinental, pas plus, quoi. Là il est direct dans le main event, enfin il intervient quand même dans le main event de Survivor Series. Il est resté dans le mid-card pendant longtemps, quoi. Parce que là, au moins, il prend une bonne place, quoi. Au moins, il va être. Ouais, mais moi. Ah, attendez, à devoir l'utilisation derrière, les gars. C'est ça, oui, voilà. Ouais, c'est bon. Pour faire ce qui ouais, enfin bon, pour un, Ryback, une après, première apparition en champ, enfin, en. Pour une première apparition, on va dire, c'est. Excellent. C'est quand même un main event de Survivor Series, les gars. Mais c'est quand même. C'est quand même l'angle aller, quoi. Ça fait deux shows qu'on sait presque rien, quoi. Moi, je trouve que c'est prometteur, déjà. Faut pas trop empêcher. Oui, le lendemain, au cas où les gens n'avaient pas vu d'ailleurs la veille, ils ont refait la même chose. Ouais. Vincent, j'espère que ça va pas faire une excuse bis, quoi. Vincent, on n'a pas parlé sur le match. Vas-y, Vincent. Bah, non, tu m'ignores. Non, mais alors, pour Rollins, je fais attention, hein, parce que Michael Tarver aussi, il y avait intervenu en main event. Bah, attends, Michael Tarver, c'est pas Rollins, hein. Oui, non, mais c'est pas parce que ils en ont grillé beaucoup des cantalars, ouais, c'est pas nouveau. Hein. Oui, bah oui. Ouais, bon, sinon... Le mec est allé nous sortir Michael Tarver, quoi, j'y crois pas. Bah non, mais c'était pour dire un exemple de mec fouille qui a fait main event, quoi. C'est pas le meilleur exemple que t'as montré, quoi. Bah, Jeff Hardy, si tu préfères. Oh, Darren Young. Il a dit la mauvaise personne, du coup, je l'ai viré. Je vais réintégrer la conversation si j'y arrive. Je sais pas si je peux parler, mais vas-y. Ouais, vas-y MP. C'est juste pour dire que les rumeurs envoient quand même une grosse responsabilité de CM Punk sur cet angle-là. Donc moi, je suis très confiant de qu'est-ce que ça va donner, parce que si CM Punk a beaucoup de contrôle créatif, je pense qu'il pourrait faire un très bon booker sur cet angle-là, quoi. On sait. Justement, j'attends de voir. Est-ce que ça peut permettre de rehausser un petit peu le niveau du rythme du règne de CM Punk là, qui a atteigné pile les 1 an. Je trouve que ça a baissé depuis quelque temps. Donc, si ça peut lui permettre de rehausser ça dans une sorte de. Je demande d'ailleurs que je stipule à TLC, pourquoi pas après tout. D'ailleurs, ouais. Vincent, vas-y, reparle. Bah non, mais en plus je te faisais plaisir quoi. Non, t'as dit Jeff Hardy, donc non, j'étais obligé de te dire. Salut. Non, mais sinon, ouais, non, c'est pas parce qu'ils interviennent en main event que, voyez, faut brander quoi. Surtout que, personnellement, ça me fait un peu penser à Nexus, un peu trop. Hein. Je trouve que c'est, bah voilà, les mecs qui interviennent. Et en plus, encore une victoire facile, entre guillemets, pour Punk. Ça m'a pas trop plu. Oui, mais c'est sinon... façon de laisser crédible encore Ryback et puis Cena, quoi. Ouais, ouais. Mais sinon, le match, c'est le meilleur match Ryback depuis son retour. Mais c'est toujours pas bon. C'est toujours pas ça. Parce que bon, quand même, Main Event de Pay-Per-View, c'est quand même un peu... C'est pas foulichon, quoi. Eh oui. Mais et autre chose quand même, on n'a pas parlé de John Cena encore qui inaugure un nouveau t-shirt et qui a connu sa première défaite au Survivor Series. C'est anecdotique, mais mine de rien, cette victoire effacée d'un coup. Donc c'est vrai, John Cena c'est un peu le reflet, hein, mine de rien, il est anonyme dans le lot, non? Bah il était là pour matcher. Voilà, John Cena, oui, c'est normal. Oui, voilà, bah oui. Il a besoin de tomber. Et oui, c'est ça de nos jours. C'est vrai que pour pas décrédibiliser Ryback, c'est John Cena qui s'y colle encore. Ouais. Non, mais puis cette fin, la fin où ils refont pareil à Raw, là, les trois bonhommes, Seth Rollins, Ambrose et Reigns. C'est quoi le nom de cette prise au final, c'est un triple powerbomb, c'est ça ou... Bah oui, powerbomb, c'est ça, complètement. Ouais, ouais. Ouais. Bah, l'impact est quand même génial quoi. Et ouais, c'est beau à voir, ouais, j'aime bien. Moi j'ai trouvé ça kiffant. Sur le coup j'ai fait oh chaud. Ils ont trouvé un moyen de faire perdre Ryback d'une façon excellente, en plus en faisant intervenir Ambrose et Rollins. C'est quand même on peut rien demander de mieux quoi. Enfin, pour ma part. Moi, ce que je voulais rajouter, ouais, c'est, je trouve ça, enfin, ça parlera un peu du Raw d'après, mais je trouve ça dommage qu'on voit pas Rollins avec la ceinture NXT. Mais moi, le problème, c'est que NXT, le jour où ils s'expliqueront peut-être. Pour moi, le problème. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas expliqués, ouais. Le problème, c'est que NXT, c'est un peu comme la FCW. Oui, c'est pas ouais, la FCW. Gus, c'est la FCW. Non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais c'est la FCW, ça. Oui, c'est... c'est pas grave, ça donne encore mais... plus de. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un moyen de promouvoir le show, en plus. Donc, ce serait bien, mais je sais pas si la WWE va le faire. Elle va pas le faire. Elle va pas le faire, je pense pas non plus, mais je trouve ça dommage. Oui. C'est quoi? J'ai envie de dire, ça ajoute quelques pièces à cette Rollins, d'avoir la ceinture. Ça ajoute aucune parce que justement NXT n'a aucune crédibilité à la WWE, donc pour moi ça a comme aucun sens quoi. Si NXT avait une certaine importance dans ce monde qui est la WWE, ça peut être un truc sympa pour promouvoir le show quoi, juste ça. Bah ouais, en même temps c'est clair. Ça a pas plus d'importance que ça, oui c'est sûr. De toute façon la WWE NXT n'est pas diffusé aux États-Unis, donc ça, ils s'en foutent quoi, la WWE. Ouais, mais si vraiment ils voulaient pas faire de pub pour NXT, tellement Michael Cole n'aurait pas cité qu'il venait d'NXT quoi. Puis en plus, tellement ils s'en foutent, aucun match de pay-per-view, même pas les pré-shows, aucun membre de NXT ne sont en pré-show par exemple. Alors que justement, le NXT title en pré-show, ça peut être. Entre guillemets, un petit moyen de promouvoir NXT. Enfin, selon moi, comme j'ai dit, la WWE n'a comme pas de but de promouvoir NXT à l'heure actuelle parce qu'ils n'ont pas de contrat de télévision et, je veux dire, forcer les gens à aller sur Internet pour voir un truc, c'est beaucoup moins vendeur, en fait, selon moi, parce qu'il faut que, justement, t'ailles sur Internet, il faut que, par exemple, je sais pas si t'es sur un service comme, je sais pas si NXT sur WWE.com, je suppose que oui. Mais quand même, faut quand même que t'ailles là, faut quand même que t'ailles regarder les shows, tandis que sur le câble, bah, les gens zappent et tombent dessus, donc là, c'est beaucoup plus compliqué, selon moi, de faire ça, quoi. en fait. C'est juste que allez, je allez, messieurs, on va... T'as fini, MB? Oui, c'est bon. On va pouvoir passer aux notes. Vous êtes pressé apparemment de finir le podcast. Ah bon? Donc, bah, je sais pas, vous, depuis tout à l'heure, vous, ça fait 5 minutes qu'on vous dit alors les notes. Et voilà, on passe. Moi, je suis bien, là, moi. Voilà. Non, mais bon, après, je sais pas. Après, oui, il le fait. Alors, là, je reviens au truc que disait MP tout à l'heure. Reconnaître Rollins, me reconnaître Rollins, c'est vraiment bien le collège, justement. Parce que là, on vient de parler de l'exposition de NXT qui est zéro aux États-Unis. Donc, parmi les 8000, là, d'Indianapolis, combien ont vraiment reconnu Rollins? Bah, sur le coup, je l'ai pas reconnu, moi. Je me doute, hein. Non, mais c'est normal, en plus, toi, tu regardes pas non plus NXT à fond, donc. Non, si, mais bon, je connais quand même la tête de cette Rollins, quand même, c'est. Mais pas con. Mais hein. Le fan d'Internet. Voilà. Non, mais il y a des gens dans l'arena qui ont pas dû reconnaître, ça c'est bon, sûr. Enfin, les mecs, ils sont habillés tout en noir et tout, en mode sécurité garde, c'est bon, c'est chaud à voir des, au premier abord, hein. Ouais, voilà. Bon, moi, je l'avoue, j'avais pas reconnu, mais je m'endormais aussi, donc. Ouais, mais même, tu t'es. Ouais, je les ai reconnus qu'après, quand Michael Cole l'a dit. Quand Michael Cole l'a dit, ouais, j'ai fait, ah ouais, putain, c'est eux. Mais non, moi, j'ai reconnu parce que Rollins, il a une mèche blonde et une mèche brune, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. D'ailleurs, ça lui va pas, je préférais son look quand il était Tyler Black, mais enfin, bon. C'est autre chose. donc, les notes. C'est ça, on va pouvoir passer aux notes, ou pas. Vous voulez pas, vous voulez... Mais si, après, de toute façon, il y a un petit sujet. On va bien sûr vous parler de Brussels Coiffure, ça sera le podcast qu'on va lancer... pour les deux ans. Ouais, pour les deux non, parce ans. Que c'est le truc de l'invasion de NXT, parce qu'il y aurait deux petits trucs à dire, à mon avis. De toute façon, on l'a dit, on peut en parler là maintenant. À dire là ça, ah ça d'accord. Note, hein. Mais non, mais juste que l'invasion de NXT, non, je crois pas. De toute façon, là, le groupe des trois, là, il va s'appeler The Shield, à mon avis, déjà. Mais Invasion de NXT, je pense que ce serait plus au niveau du roster des divas, là. Il y en a une page, là, à mon avis, qui va rapidement s'infiltrer au milieu. Bon, après, c'est pas si plus important, vous direz, mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que, c'est, non. Peut-être une équipe à la rigueur, The Ascension, peut-être qu'il va. Oh, putain, oui, j'espère, ouais. Oh, con. Et bon, voilà. Après, c'est surtout l'invasion de trois mecs. Dans un, Roman Reigns, c'est un chouchou Triple H. Voilà pourquoi il est là. Dean Ambrose, c'est un chouchou de William Regal, mais bon, en même temps, il a ce qu'il faut pour réussir, c'est vrai. Et Seth Rollins, c'est un peu le successeur, entre guillemets, de CM Punk. Donc, à partir de là, c'est logique. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Seth Rollins avait rencontré CM Punk dans un show NXT. Donc, ouais. Je sais pas si on jouait sur ça, on sait jamais. Il y a pas bien longtemps en plus, hein. Non, pas très longtemps, effectivement. Ça m'étonnerait quand même qu'il joue là-dessus. Bon, les notes. Allez, c'est parti. Donc, la note de Renault. Est-ce que quelqu'un peut prendre une. Donc, peut calculer? J'ai rien pour calculer sur moi. Vincent, peut-être? Ouais. Ah. La note de Renault. 5,5. Tu mets 5,5 par rapport au 5 contre 5 avec la prestation de Del Rio notamment, le super kick de Ziggler et ouais, le match d'ouverture aussi qui était pas mal. Big Show Sheamus un peu en dessous de celui d'Alain Zessel, beaucoup même, et le main event qui était moyen. Donc ouais, 5,5 parce que j'avais mis 5 à Alain Zessel, je peux mettre un peu plus quand même à celui-là parce qu'Alain Zessel c'était vraiment très très mauvais. 5,5. Brusty. 3,5. Bah tout simplement parce que j'ai pas vraiment aimé. Honnêtement, le build-up était pas bon. Je sais c'est pas sur ça qu'on fait, mais un tard les matchs j'ai pas non plus été spécialement emballé. C'était pas franchement mauvais, mais c'était pas vraiment bon non plus. Et le main event pour moi n'a pas la carrure d'un pay-per-view comme ça. Enfin, je sais que les Survivor Series ont bien baissé dans l'estime de la WWE, mais je trouve dommage. MP. Bon ben moi je vais faire remonter la moyenne, j'aime ça. Donc moi je donne 8 parce que c'est un pay-per-view que j'ai eu du plaisir à regarder. Pardon, là je m'étouffe un peu. Waouh. Waouh. Il y en a qui fait Paul Heyman en fait. 12 ou 13 alors. Et voilà, j'ai eu du plaisir, j'ai Ah, le segment pour Heyman très bon, très bon. La petite interview non, mais... voilà. Je sais pas, moi je pense que c'est pas pourvu là, oui, je l'aime bien dire, mais il mérite quand même une note de passage, ça c'est clair, et même au-dessus, parce que justement il y a eu des bons matchs, il y a un peu eu de mauvais matchs, à part le match des divas, ce match des divas, donc je peux pas trop enlever une note là-dessus, et bon, le match pour le titre US est assez court, donc moi il me dérange pas trop, Mais à part ça, les matchs, quoi, étaient tous bons, et même s'il n'y a pas de trucs extraordinaires à sauter au plafond, bah, c'est tout plaisant à regarder, donc pour moi, il mérite quand même 8. Bon. Alors moi, d'habitude, je donne ma note en dernier, mais là, je vais la dire maintenant, ça sera 6,5. Alors sans la fin, ça aurait été 5,5, mais avec la fin, c'est 6,5. Enfin, j'ai kiffé cette fin, quoi. Ça donne un point de plus à la moyenne. J'ai bien aimé le 55 des Main Eventers, j'ai bien aimé l'Opener aussi, super utile. Bon, qu'on s'en fout de Tensai ou Brodus Clay, ils ont été éliminés rapidement, justement, tant mieux. Caitlyn, ça a été, au final, mauvais match, mauvais point, c'est pour Cesaro contre Artus, quoi. Et en high-back, non. Si, mais que je dise de plus après, Bon, d'accord, non, c'est tout. Et puis là, je me suis dit, Washo. Ah, j'ai dit ça. tu l'as dit plein de fois. c'est chaud. C'est chaud. Ah ouais. Alors Tifo, c'est grave. Bah, tiens, je vais donner ma note. C'est avec Edge que c'est chaud. Tifo, hein? Tu disais c'est avec Edge. Moi, je donne un 6. Oui, c'est avec Edge. Ok. Bon, moi, je donne un 6. Génial. Ouais, non, mais en fait, moi. Putain, mais les gars, arrêtez de me couper là. Donc, je reprends, je mets un 6 parce que pour moi les deux matchs 55 étaient quand même globalement bons. Donc moi j'ai trouvé ça plaisant, donc voilà. Et puis surtout la fin du main event où ça a quand même ranimé un peu le show, parce que c'était une bonne fin et puis que ça relance un peu ça relance quelque chose, donc ça construit un nouveau truc, donc et puis c'était surprenant, donc je m'y attendais pas, enfin personne s'y attendait, hein, ça c'est clair, donc ouais, c'était plutôt cool, donc un bon 6. Et Vincent, la note de Vincent? Moi je vais mettre 4,5 parce que je reprends les un petit peu les arguments d'MP. C'est bon mais pas exceptionnel, sauf que moi je trouve pas ça super bon, parce que bon, à part les deux matchs élimination, le reste c'est franchement navrant, quoi. Big Show Sheamus, c'est regardable. Le main event c'est regardable, mais c'est en main event, donc t'attends une certaine qualité. Airtruth, il me fait chier. Caitlyn, elle me fait chier. Voilà, quoi, il reste plus grand chose, donc pour moi ça mérite pas la moyenne. Ben voilà. Et en tout, ça fait... Normalement 5,67 d'après MP. Voilà. Merci MP. Voilà. Moi, je sais bien payer carrément. Mais bon, quand même. C'est MP qui sauve le jeu. Après, c'est la vie de tout le monde, eh, comme on dit. Oui, franchement, MP, tu mets un 8 et tu dis 8, que c'est pas... Bon. Après, c'est moyen. Non, mais tu dis que c'est moyen, tu mets un 8. Alors, je crois que c'était un peu pour contrebalancer ma note, mais... Non, j'ai pas augmenté. J'avais ma note de fixer depuis lundi, quoi. Par exemple, Night of Champions, tu as noté combien? Je crois que j'ai donné 7. Moins, voilà, c'est incroyable quand même. Hein. Non, ça, mais t'avais de réussi, quoi. Par exemple, Destination X, la TNA, tu mets combien? Qui a été le meilleur pay-per-view pour la TNA? Je crois que j'ai mis 9. Bah voilà, attends, la TNA fait un truc merveilleux, tu mets 9. La W fait un truc moyen, tu mets 8. Enfin, non, moi je comprends pas. Même Destination X, quoi, c'est pas l'Undercard n'est pas non plus énorme de chez énorme, quoi. Il y a des matchs qui sont plus moyens, mais. Je veux dire, au total, c'est plus fort vieux. Je veux dire, il passe hyper bien. C'est pour ça que je lui donne un 8. Je veux dire, y a rien de... Si ce serait Money in the Bank 2011, j'aurais donné, je crois, 9,5. Ou 9. C'est, je veux dire, c'est pas... D'accord, MP. Il y a une phase de blanc, c'est... C'est un 8 sur 10, c'est un travail, c'est, dire, c'est bien, mais pas exceptionnel. Ah justement, moi quand on me donne 8 sur 10 à la fac, c'est que j'ai fait du bon boulot, c'est pas que j'ai fait un truc moyen. Hein. Bah pour moi 8, oui. Alors t'as 8, c'est un truc c'est bon, mais pas exceptionnel. Il y a Tifo sur le chat qui nous dit, je mets un 12, j'ai envie de vous revoir. On ne demande qu'un rire style. Merci Tifo. De rien. Voilà. Bref, ça a plombé l'ambiance. Super. Ouais, grave, j'avoue. Non, mais la bataille sur la note, c'est bien, parce que ça révèle les avis différents, comme quoi ce pay-per-view divise, et ça, il n'y a pas... Même sur la toile, hein. Il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui disent c'est pour ça que j'ai dit c'était mitigé. Oui, c'est ça. Ben écoute, messieurs, on va pouvoir parler de CM Punk aidé un an. Happy birthday to you. Un an de Punk. Voilà. Magnifique. L'évaluation de son règne ou non l'état actuel n'est pas très florissant, moi je dirais. Surtout l'état actuel, ouais. C'est pas bon, hein. Franchement. Ah bah oui, c'est un personnage de heal quand même qui est très éther. Hein. Enfin, moi j'ai vu bien meilleur. Je me fais chier moi maintenant avec Punk Heal, je me fais chier. Moi je suis pas d'accord. Ouais, moi aussi. Alors que j'adore CM Punk. C'est ça non, mais ça dépend comment il est traité. Moi je trouve que là il est pas bien traité, quoi. Il y a des personnages heal par le passé excellents, et CM Punk. Mais là. Moi je trouve que. Enfin, qui c'est qui veut parler? Moi je sais pas. Vas-y. Bah moi en fait je trouve que au début je me réjouissais que qu'il soit associé à Paul Heyman, mais au fur et à mesure des shows je trouve que il a pas besoin au final Heyman. Il sert à rien. Oui, c'est ça, il sert à rien. Ouais, Heyman est bon, il joue bien la comédie, enfin il est bon dans son rôle, mais ouais, c'est ça, il en a pas besoin, et puis voilà, je trouve que ça, il a moins de temps de parole et tout. Et puis ce segment, scandaleux qu'on a vu à Raw, putain, oh là là. Ah oui, oui. C'est quoi avec Jerry Lawler? J'ai même pas eu de ballon en plus. Ah non, lequel tu parles? Le segment de la crise cardiaque là. Ah oui, oui, moi je te parle du segment. Ah merde! On parle d'Eman. Non, on parle d'un an. Ce segment, Gus, il a prouvé par Jerry Lawler, je te le dis. Ah ouais, bon, moi il m'a gêné. Ah ouais, ça je comprends, par contre. C'est mauvais goût. Moi, il m'a gêné. C'est même hard dans la PGRA, quoi. J'ai Jerry Lawler, il fait ça, mais moi, ça m'a vachement gêné, oui. Parce que c'est quelque chose qui s'est réellement passé. On a déjà vu par le passé l'autre crise cardiaque à la WWE en segment, mais c'est vrai que le contexte, là, c'est sûr, ne se prête pas. Bah, le truc, c'est qu'on a vu pire, mais moi, ça m'a pas gêné le segment. Ce qui m'a gêné, c'est qu'ils en ont fait tout un pataquès avec le retour de Jerry Lawler, avec le clip vidéo. Jerry Lawler revient dans deux semaines, Jerry Lawler revient la semaine prochaine. Ah oui, finalement, ça annonçait que Jerry Lawler, ça annonçait plutôt que Jerry Lawler sera de retour dans deux semaines, ça a pas gêné la vidéo, par contre, juste avant son retour, là oui, c'est un peu gênant quand même. T'étais pas obligé de montrer les images, quoi, de réanimation et tout. Ça c'est une mauvaise idée. Mettre des images comme ça ou faire entre guillemets un retour normal et mettre un segment comme Qu'ils ont vu quelque chose. Je crois que Vince McMahon il a vu quelque chose, c'est audience. Ah mais oui, bah ces temps-ci faut relancer Raw à tout prix et c'est vrai que non, mais je pense Non mais la WWE est en train de faire exactement les mêmes ratings que 1997 où il se faisait bouffer par la WCW. Faut faire quelque chose, hein. La PGRA, elle est finie. Même si des fois on lui trouvait des excuses dernièrement, c'est vrai que là. Non, mais là, ils sont dans une sale prochain, s'ils trouvent le moyen de pas avoir un bon rating, j'y comprends plus rien, hein. Et ce Monday Night Football, il est pourri, hein. Je l'ai d'avance, hein. Ça, c'était le VHS, oui. Bon, là, on se dit quand même les ratings sont pas bons parce que on a eu les élections présidentielles aux États-Unis qui tombaient au même moment, deux débats je crois qui sont tombés au même moment, les élections aussi. Ouais, mais faut savoir, tu sais que le meilleur rating depuis deux mois, le meilleur rating c'était justement la veille des élections. C'est paradoxal, hein. Donc ouais, mais de toute façon les ratings sont pas bons. Il faut faire quelque chose pour dynamiser le truc, hein, parce que c'est vraiment voir des ratings comme ça, on se croirait revenir en 1997, quoi. Je dis pas que de revenir à Attitude Era, ça serait une bonne idée, mais, je sais pas, essayer de redynamiser le truc, quoi. Oser plus de choses, moi, je trouve. Faut continuer. Elle se repose sur ses lauriers. Ouais, mais, en fait, le gros problème de la WWE, c'est qu'elle se bouffe elle-même en ce moment. Bah, puis elle a pas vraiment de concurrence, donc. C'est pour ça que je te dis qu'elle se bouffe elle-même. Non, mais il y a un souci à la WWE, il y a un souci de main eventer déjà. Il y a un gros souci, parce que la fédération, elle n'arrive plus à faire de main eventer. Ils sont obligés de compter sur des mecs du passé, Triple H qui revient de temps en temps, Taker, je pense au Rock, à Brock Lesnar. Et ils vendent sur eux. Ils vendent la route sur WrestleMania sur eux, ils vendent sur ces mecs-là. Alors t'as Punk et John Cena, t'as Sheamus qui est un petit peu en dessous avec Orton par exemple. Et à part eux, je veux dire, tu peux pas. Ils arrivent pas, quoi. Il faut qu'ils fassent appel à des mecs du passé. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à créer. C'est pour ça que moi, perso, Ryback, je ne critiquerai pas comme certains du groupe. Alors, ça va un peu vite avec Ryback, je trouve aussi, quand même. Mais pour moi, ils font bien de mettre un mec en avant comme ça. Je pense qu'elle a plus de temps à perdre, la WWE, là. Il faut à tout prix qu'un mec passe en main eventer. Et Ryback, il a le physique pour être main eventer. Il a carrément le physique. Maintenant, bon, ça va un peu vite, mais c'est allé vite aussi parce que John Cena s'est blessé au coude. Hein. Donc il avait dû prendre la place. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est aussi qu'il fait barder Vince McMahon, mais bon. Belle image. Oui, enfin, Axana ouais, aussi, bon, puis elle est pas en main event, en merde. Hein. Moi, c'est mon avis. Hein. Sinon, pour l'utilisation des 3 heures aussi, je voulais parler. Ça, c'est un truc, je pense pas qu'il aide les ratings, de faire 3 heures. Oui, d'ailleurs. Oui, aussi. D'ailleurs, c'est la 3ème heure qui planche souvent. Ouais. Mais il faut qu'ils arrêtent avec 3 heures de show toutes les semaines à Raw, c'est pas possible. À chaque fois que je fais les Raw en live, je m'endors au bout de la 3ème heure. Non, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça. Non, mais c'est surtout que les shows, ils les comblent avec plein de replays du soir. Ah ouais, même. C'est lourd. Mais c'est chiant, putain. C'est grave. Merde, c'est des temps d'antenne. C'est grave. Voilà, on l'a replacé. Super, l'a replacé, les gars. Ouais. Non, mais c'est vrai, attends. Là, je prends l'exemple du Raw de lundi. Combien de fois ils nous ont repassé l'attaque de Cena, enfin de Ziggler sur Cena dans le vestiaire? C'est un truc de barge. Même le kiss entre Cena et Edge et Lee, enfin, franchement, t'as au moins 10 minutes de bouffer à cause de ça. Ah ouais, à chaque show. Mais non, mais en plus, c'est une story catastrophique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, en plus. Mais... Ouais. Et dire qu'elle est piquée à une story catastrophique de la TNA il y a pas si longtemps. Allez, tous les segments comme ça, pareil. Les écoutes et tout. Et Edge Style en a parlé. Il est obligé, c'est sûr que maintenant. Semaines, pas. Eh oui. Mais bon. Ouais. Je croyais que ce segment allait parler du ring de CM Punk. On a un peu dévié, mais. Ah oui, Lorraine. On a parlé un peu gros de ces dernières semaines au final. Alors Lorraine, oui, bon, on en revenait au ballon. Mais ouais, déjà, putain, mais merde, c'est censé être une célébration, avoir des ah super oui, trucs. Ah le confetti, puis là, on se tape deux putains de tableaux au milieu d'un ring, avec un Paul Heyman. Bordel, moi je voulais des pyros et tout. Mais oui, sens. Mais voilà, c'est même pas une célébration, c'est rien, c'est... Ah ouais, mais pour moi, c'est le reflet que le règne de Punk, qui est devenu morose en ce moment. Ah, depuis son heel turn, c'est tout. C'est pour moi, c'est ça, hein. C'est vrai qu'il a d'un coup eu un personnage hyper clean et tout, et il est devenu d'un coup couard, lâche, fuyant. N'oubliez c'est pas son match contre Cena à Night of Champ, hein, quand même. Je sais pas si vous l'avez kiffé ou... Ouais, j'ai kiffé ce match-là. Pour moi, bon, c'est un candidat. Parce que là, il était heal à ce moment-là, hein, mais c'est après ça. Je pense que c'est son vrai dernier match, c'est celui-là, en pay-per-view. Et son gros dernier moi, match. C'est depuis qu'il est avec Paul Heyman, surtout. Mais Paul Heyman était là à Night of Champions. Il était là? Ouais. C'est le début, c'est le tout début. Ouais, c'est le tout début, ouais, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là. Ouais, moi, je l'ai dit, je l'ai dit d'entrée, moi, dès que j'ai vu Punk partir avec Heyman dans la voiture, je me suis dit, mais bordel de merde, Punk, il a pas besoin d'Heyman, quoi. Non, mais c'est pas Heyman qui fait couler le truc, quoi, Heyman. Mais moi, si, je parce que du coup, Heyman, il parle trop, et moi, je m'en fous de ce que dit Heyman. Oui, voilà, il parle trop, le mec, il lui tient la ceinture, on n'arrive même pas à savoir le champion, le mec, il tient pas sa ceinture. Je trouve ça même si, Heyman prend la ceinture, tu vois, de la manière qu'il a. Point tout, il fait réagir la foule et tout. Heyman, je trouve dans tout ce qu'il fait, il trouve une manière de bien le faire, d'attirer de la hype, et ça c'est génial. Et même si Heyman prend de la place, je pense que CM Punk il peut toujours parler, quoi. Et je trouve pas que CM Punk est trop effacé parce que Heyman est là. Et je pense qu'ils font un bon duo, en tout cas selon moi. Et c'est pas cette association là qui me dérange, c'est surtout, je pense le booking qu'ils ont, et CM Punk se dit insatisfait en ce moment, c'est ce que les nouvelles disent, donc oui, j'espère que ça va se... Je suis un peu comme vous déçu de ce qui s'est passé le dernier mois, mais je pense pas que c'est CM Punk que je trouve toujours aussi génial dans ce promo et tout, mais c'est personnage de Punk en demandeur de respect qui me plaît pas, moi. Ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, Punk, depuis qu'il est devenu heel, il est devenu un peu quelconque, quoi. C'est un heel, mais il y a rien de particulier. Autant en 2009, quand il se battait pour son personnage Stadage, il y avait quelque chose de nouveau, quoi. Mais là, il n'y a rien de spécial dans son personnage. Ok, il est bon micro, mais c'est tout. Il n'y a rien. Attendons de voir aussi ce que fait Brock Lesnar à son retour, parce que Paul Heyman, il s'associe comme ça à CM Punk sans explication. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose entre Brock Lesnar et Punk? Je sais pas. Non, mais attendons de voir surtout le Royal Rumble contre The Rock, ça va être surtout ça, hein. Oui, mais moi je parlais juste par rapport à l'association avec Heyman. Hein. Après, c'est ouais, mais il va revenir quand, de toute façon, Brock Lesnar? Il va revenir pour WrestleMania? Non, pour avant, je pense. Avant? Oh merde. Il a des dates à respecter, quoi, Lesnar. Ah oui, il coûte tellement de pognon que... Ils l'ont pas fait prolonger, Lesnar? J'ai pas compris. Si ça se passe bien à WrestleMania 29. Ah, oui. Mais bon, vraiment, il faut faire tourner. je l'ai parlé justement, vous parliez de Rock or Royal Rumble. D'ailleurs, c'est vraiment le focus, je pense, depuis Survivor Series, on parle que ça, quoi. Qu'est-ce qui va se passer au Rumble, mais on dirait qu'on oublie presque le pay-per-view TLC, quoi. Ouais, mais ça, c'est une simple formalité. Il va l'emporter encore d'une manière, on sait pas comment, mais il va l'emporter. Bah, à mon avis... Oui, surtout si c'est un tables match. C'est pour ça que les matchs de Punk, on les aime moins aussi, hein. C'est aussi pour ça, c'est parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir son match au Royal Rumble contre The Rock, hein. Ça y joue aussi, ouais, mental. Tout le monde, honnêtement, tout le monde l'attend, ce match. Ah, mais complètement. Enfin, moi, j'attends que complètement, ça. Complètement, moi aussi, j'attends. Ah oui, ça. C'est un tournant pour revoir un renouveau chez CM Punk, c'est sûr. Pardon, chez CM Punk. C'est sûr. Et en plus, déjà, je veux pas mettre le tapis de parler trop de ce match-là avant qu'il se passe, mais on s'entend que si The Rock gagne, il y aura peut-être des répercussions, quoi. Je veux dire, moi je suis CM Punk, j'ai plus d'un an de règne, je perds contre The Rock, un mec qui est jamais là, j'ai envie de dire, je réagis backstage, quoi. Bah oui, moi c'est pareil. Aussi, moi je voulais réagir, Cena il a 380 jours, donc Punk, concrètement, il va le payer, il va le dépasser. Bah, on dirait bien. Ouais, donc je trouve que c'est quand même... un signe assez fort, enfin moi je trouve ça. Bah oui, l'histoire moderne, le champion qui a un an de règne, c'est énorme. Bah c'est ouais, très fort. C'est indépendante, ouais, parce qu'il y a moins de shows, mais alors à WWE qui a tant de shows, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Mais écoutez, messieurs, je pense qu'on a tout dit. Oui. On va pouvoir passer au partenaire particulier. Pardon. C'est qu'on arrive à un peu plus d'une heure et demie de travail, là, donc on commence à fatiguer. Hein. On pète un plomb, comme on dit souvent. Alors, la page Facebook, c'est Wrestling Radio officiel. Le Twitter, c'est Wrestling Radio, enfin, c'est Wrestling Radio. Nos Twitter respectifs, Freno, c'est Malenko06. Tifo, c'est quoi déjà? C'est Tifo. L-8-Tifo. C'est parce que moi, j'allais dire Tifo Del Rio à cause de ton nom de truc, là. Oui. MP c'est Maxime WA Maxime Poulain, Mousti c'est Phililand, Vincent Wacho c'est Wacho Vincent, et moi c'est Sparta Tirigus. Voilà. On remercie également la Wrestling Evolution League. Alors on en a reçu Basse il y a 3 semaines pour parler de la WEL, et il cherche toujours des membres. Alors si vous êtes intéressé, allez vous inscrire sur le forum wrestling-evolution-league.com, ils vous accueilleront à bras ouverts. Il y en a Vox Catch, les Cahiers du Catch, FN Lutte également, ça sera à dispo sur iTunes. D'ailleurs, si vous nous écoutez que sur iTunes, c'est bien. Instant Catch, oui, je sais pas quoi dire sur iTunes, c'est pas moi qui m'en occupe. On est dispo sur YouTube, sur YouTube, ouais, c'est tout. Ouais. Après, je crois que j'ai tout dit. Oui. Mais voilà. Et n'oubliez pas de laisser vos avis sur YouTube et de faire le pouce vert. Oui, le pouce vert surtout. Les avis, c'est pas grave. C'est surtout le pouce vert. Vous faites les avis quand même. Bon, les avis, c'est pas trop mal aussi pour voir un peu. Bah oui. C'est nous aussi d'avoir le aussi, hein. Faut pas hésiter, hein. Bah oui, sur Facebook partout, aussi, en fait, sur Twitter voilà. Aussi, sur nous, sur Facebook, partout. Vous me décevez quand même. Ça fait 2 pay-per-view qu'on a rien du tout. Bah, faut avouer qu'on a, Renaud, tu devrais aller. Plus, alors. C'est ta faute. Renaud, tu vas dégager. Je crois que je vais redégager, je vais redevenir Del Rio et le patron, non? Tu vas, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas poster des trucs. Tant que Del Rio et le patron sur ta réaction. Après, comme ça, les autres, non, je suis premier et tout. Fou, non, après ça, je vais faire honte et tout. Vas-y, en premier, Renaud. C'est peut-être pour ça qu'on en a plus. Ça fait 2 fois que tu viens, tu nous portes la poisse. Ouais, c'est vrai. Zut alors. Bon, mais écoutez. Non, voilà. Prochain rendez-vous, c'est quoi? Prochain rendez-vous, ça sera TLC pour Sunday Night Wrestling. Ce sera les 2 ans, non? Non, mais attends, laisse-moi terminer, Tifo, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laissez-moi finir. Oh, j'ai pas fini. Le patron s'énerve. Voilà. J'en ai marre. Contester mon autorité, c'est pas bien, ça. Non, mais. Oh. Bref, je dis, prochain rendez-vous pour Sunday Night Wrestle, ça sera TLC, ça sera très bientôt. Ce sera pour le mois prochain, d'ailleurs, ce sera très bientôt, oui. Donc forcément. Les 2 ans qui devraient sortir pour le mois de décembre, alors on aura du retard. Hein, cette année, pour les 2 ans, on n'a pas encore bien préparé le truc. Faudrait que je m'y mette. Vintage Wrestle Radio, nous, on l'oublie pas, faut qu'on le fasse, on va le faire, promis. Une interview d'un lutteur français, c'est Joe Atlas aussi, qui devrait peut-être, qui devrait se faire bientôt. Faut que je trouve une date avec avec lui. Et voilà. Et les impacts, les impact wrestlers, turning point. Vous me perdez, arrêtez de parler sur le non, chat. Non, mais lis pas littéralement le chat. C'est juste que vous pouvez écouter aussi le dernier impact wrestlers qui était consacré à turning point et le prochain, le mois prochain, donc fallait une résolution une semaine avant. Voilà. Une semaine avant, TLC. Voilà, oui. Et pour compléter ton, enfin l'épisode qu'on va faire vintage, le prochain épisode. Chute. J'ai pas spoilé, je m'appelle pas Boosty. En parlant de vintage, voilà. Je dis juste que le prochain épisode d'Instant Catch, ça sera en rapport avec le podcast. Voilà. Puisqu'on a décidé que Ryback, on en a fait un match, c'est bon, on en a assez. On remarque que Cesaro Gabriel n'était pas heureux aussi. Oui, c'est vrai. Enfin. Bon. Allez, conclu. Mais voilà, hein. Vas-y, oui. Au revoir. Pas de blague. Bon. Non, mais non, je sais pas. Le chant de Tifo pour contrecarrer si, bon, là si, tout à l'heure le pouce. J'ai une blague, après on fera le chant de Tifo. Faut que je chante quoi? Faut que tu veux. Fais gaffe Tifo, sinon je chante avant toi. Hein. Oh putain, ouais, faut que je trouve, attendez. Pour ça, attends, je vais raconter une petite blague gounette et après tu pourras chercher. Vous savez pourquoi on dit que Hulk Hogan est un bon jardinier? Oui, non, merde, non. Non, tu sais pas? Ah bah, parce qu'on dit que tous ces films sont des navets. Le pire, je crois, c'est quand on rit à sa propre blague, mais. C'était faux que je riais. Ah, pardon. Coucou à Lambert, hein. Tifo, ta musique, et on peut se quitter. Bah, non, mais dites-moi ce que vous voulez. Je chante. Ouais, voilà, somebody call my mama. Oh putain. Attends. Funky not around. Et après, merde, ça fait quoi? Ah, ah oui. Time to get funky. Allez. Ouais, merci de m'aider. Somebody call my mama, nanana. Somebody call my mama, nanana. Hey! Voilà, je connais pas en fait. Moi non plus. Je l'ai apprendre. C'est sur cette superbe voix qu'on va se quitter. Allez, ciao tout le monde. Tchuss. Ciao.